qui se met en place pour la nuit, et puis demain, mercredi, et puis jeudi aussi, vendredi, on pourra évoquer des conditions bien estivales du soleil et de la chaleur. On en avait déjà parlé hier, ça se confirme, 23-27 degrés pour demain, 23-28 jeudi jusqu'à 29 vendredi. Vous écoutez Vivacité, il est 17h. Les Diables à Chypre, l'Euro 2016 fait déjà place au Mondial 2018 en Russie. Il faut vaincre les Chypriotes pour y arriver. Eden Hazard, le capitaine, fera le job ce soir, nous l'entendrons dans un instant. Nous entendrons aussi le nouveau coach du Standard, Alexander Djankevic, l'ancien entraîneur de Malines. Les supporters approuvent le choix. Il connaît le championnat de Belgique déjà depuis quelques années. Les joueurs, il les connaît vraiment bien. Il est en symbiose totale avec Olivier Renard, qui est quand même de décideurs maintenant au Standard. Alors, le point aussi dans ce journal sur les négociations qui reprennent entre direction et syndicat de Caterpillar. Une réunion a commencé il y a une heure à Nivelles. La direction américaine a désigné ceux qui négocieraient pour elle la fermeture de l'entreprise. Dans ce journal aussi, le bilan des Blue Bikes, les vélos bleus. Ils sont disponibles depuis 5 ans à la sortie de certaines gares. Ça marche pas mal en Flandre. C'est un peu la déconfiture en Wallonie, à tel point que certains services seront supprimés prochainement. C'est l'heure du journal sur Vivacité avec Manu Delporte. Bonsoir Manu. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Alors ce soir, tous derrière nos diables, Manu. Oui, parce qu'ils affrontent donc les joueurs chypriotes à 20h45. C'est le premier match qualificatif pour la Coupe du Monde en 2018. C'est le premier match officiel aussi de l'ère Roberto Martinez. Le match amical, soyons clairs, ça n'était pas terrible. Les supporters, les observateurs ne se sont pas privés de le faire savoir. Ils attendent un tout autre football. Les critiques ont aussi vidé le capitaine FF de l'équipe. Eden Hazard y répond. Mais je pense que le capitaine, c'est Vincent. Voilà, Vincent, il n'est pas là. Après, j'ai été désigné capitaine. Moi, j'ai toujours dit, j'essaie de donner le maximum sur le terrain. Je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup sur le terrain. Voilà, j'essaie de donner l'exemple dans ma façon de jouer. Je ne suis pas là pour engueuler les gens. Je ne suis pas là pour mettre les gens en place. S'il faut le faire, je le ferai. Parfois, ça aide, hein, Eden. Oui, ouais, c'est pour ça que je dis que s'il faut le faire, je le ferai. Donc voilà, c'est nouveau pour moi aussi. Ça fait pas longtemps que je suis capitaine. On apprend tous. Voilà, mais en tout cas, je suis heureux d'être capitaine et je fais mon maximum. Eden Hazard avec Manu Jousse et Thierry Luthers, que vous retrouverez donc en direct ce soir pour le match à 20h45. Résultat un petit peu après 22h si tout va bien, parce qu'il y en a pour qui tout ne roule pas toujours comme sur des roulettes. Le match entre l'Albanie et la Macédoine par exemple s'est déroulé en deux jours. Hier soir à la 77e minute, il y avait tellement d'intempéries en Albanie que le match a été interrompu sur le score de 1-1. Le match s'est donc terminé cet après-midi. Les joueurs sont montés sur le terrain pour les 13 minutes qui manquaient au temps réglementaire. Résultat, victoire de l'Albanie, 2-1. À Liège, on change, c'est une demi-surprise. Yannick Ferreira quitte le Standard et c'est le Serbe Aleksandar Jankovic qui le remplace. Le nouvel entraîneur arrive en droite ligne de Malines. Il est motivé, il mettra toute son énergie dans l'aventure. Moi, j'ai décidé de quitter ma zone de confort pour essayer de faire quelque chose de plus. J'avais, comme vous le dites, une situation stable à Malines. Mais de l'autre côté, j'ai un grand club qui m'a contacté. J'ai réfléchi et j'ai plongé dans le projet. Donc, je suis complètement sûr et certain d'avoir fait un bon choix. Fier et privilégié de pouvoir intégrer le Standard, l'un des plus grands clubs en Belgique, avec beaucoup d'ambition et beaucoup de qualité. Et qu'est-ce que vous pouvez apporter au Standard ? Tout ce que j'ai. Je viens et je me donne à fond. Je ne sais pas calculer, je donne tout ce que j'ai. J'essaie d'injecter tout ce que j'ai au niveau mentalité, discipline, motivation, savoir-faire. J'essaie d'injecter dans l'équipe. C'est vrai que je suis exigeant après, vis-à-vis des joueurs, mais c'est aussi vrai que je ne demande jamais aux joueurs de faire quelque chose que moi, je n'ai pas fait avant. Alexander Jankovic, avec Pierre Capard, le premier match du Standard avec son nouvel entraîneur, ce sera dimanche soir contre Genk. Et les supporters, qu'en pensent-ils de ce nouvel entraîneur ? Pierre Capard a posé la question à Philippe De Noël, il est responsable de Standard Internet. Il est critique sur la politique de la direction du club, mais satisfait du choix de Jankovic. À partir du moment où les responsables sportifs ne sont pas en totale symbiose avec l'entraîneur principal, c'est malheureusement souvent voir l'entraîneur principal qui saute, mais au Standard, on est habitué à tellement beaucoup de choses que ça, on n'est pas tellement surpris. Un mot sur le successeur de Ferreira, donc on le sait, c'est officiel, c'est Aleksandar Jankovic. Ben, c'est une bonne chose, dans le sens où il connaît le championnat de Belgique déjà depuis quelques années. Les joueurs, il les connaît vraiment bien. Il est en symbiose totale avec Olivier Renard, qui est quand même un des décideurs maintenant au Standard. Donc on préfère ça qu'un illustre inconnu comme on a déjà eu au Standard. Chez Caterpillar, le dialogue reprend entre direction et syndicat. Oui, tout était à l'arrêt hein, depuis vendredi, depuis l'annonce de la fermeture de l'usine de Gosselies à l'horizon de juillet 2017. La direction américaine jouait jusqu'ici les fantômes, en s'abstenant même de répondre positivement à l'invitation des parlementaires à la Chambre ce matin. On reviendra sur cette décision dans un instant. Mais évoquons d'abord le dialogue renoué. Oui, c'est vrai, direction et syndicat se rencontrent en ce moment même à Nivelles. Il faut dire que Caterpillar a désigné ce matin des mandataires pour négocier la fermeture. Il s'agit de la direction régionale, c'est elle donc qui retrouve les syndicats en ce moment même. On y revient bien sûr dans le journal de 18h. Au Parlement wallon, le gouvernement régional a voulu aussi faire le point sur ce dossier. Tout sera fait pour sauver ce qui peut l'être. Tonne Paul Magnette, le ministre président wallon, bourgmestre de Charleroi. Le climat s'apaise un peu, les politiques ne veulent manifestement pas anéantir les négociations avant même qu'elles aient commencé, Rudy Hermans. Hier encore, le gouvernement wallon déplorait le fait de ne pas savoir avec qui négocier chez Caterpillar. Aujourd'hui, la tension baisse un tout petit peu. Paul Magnette, le ministre-président. On sait qui est notre interlocuteur belge. C'est le directeur du site et on est en train de préparer les contacts avec les représentants de la direction américaine. Donc les choses se clarifient de ce point de vue. La procédure Renault est donc bien enclenchée. Elle doit permettre dans un premier temps à chaque partie d'être informée de l'ensemble des données du dossier. Étape indispensable pour tenter de sauver ce qui pourrait éventuellement l'être avant de parler de fermeture ou de reprise. Jean-Claude Marcourt, ministre régional de l'économie. Dès lundi prochain, il y aura une première rencontre entre la direction et les organisations syndicales. Ce sera la première réunion formelle d'un procès de la loi Renault. En attendant, que va-t-il se passer pour les travailleurs à Gosselies ? Nous avons eu des contacts avec la direction qui nous a indiqué qu'ils allaient remettre l'outil en fonctionnement dans les heures qui viennent. Le gouvernement wallon précise que les démarches qu'il entreprend ne concernent pas que Caterpillar, mais aussi les nombreux sous-traitants. Jean-Claude Marcourt. Nous allons voir individuellement avec eux les conséquences de la situation actuelle pour voir comment surmonter ce drame. Et au Parlement wallon, outre les entreprises qui travaillent pour Caterpillar, il a aussi été question du sort des petits commerçants proches du site, ceux qui travaillent grâce à Caterpillar, également touchés par l'onde de choc. Alors on l'a dit ce matin, donc la direction de Caterpillar a refusé de se présenter devant les députés au Parlement fédéral. Elle a invoqué pour cela la procédure Renault. Les parlementaires ont tous fustigé cette attitude, parlant de dédain, d'irrespect, d'affront, de lâcheté insupportable. Tous les partis étaient d'accord pour cela, mais au fait, la direction de Caterpillar avait-elle le choix ? Pouvait-elle parler aux parlementaires avant de s'adresser aux syndicats ? Pas vraiment, explique Olivier Oueri, il est avocat spécialiste en droit social. Elle aurait été mise un peu en porte-à-faux par rapport à cette idée que d'une part, son interlocuteur, pour essayer de trouver des alternatives au bain de sang social qui se profile, etc., son interlocuteur, donc, c'est les représentants des travailleurs, ils doivent explorer différentes pistes, et d'autre part, on est censé de nouveau être qu'à un niveau d'intention, donc c'est un petit peu contre-intuitif d'aller au Parlement, déjà quelque part régler des comptes, et être une étape plus loin avec tout ce qu'on a pu entendre ces derniers jours à la télévision sur le remboursement éventuel d'aides publiques, le fait de laisser pour un repreneur le site, etc. Tout ça sont des étapes qui sont compréhensibles, mais qui, dans la logique de la loi Renault, ne doivent venir que bien plus tard. Olivier Oueri, spécialiste en droit social, à propos du refus de la direction de Caterpillar de se présenter au Parlement. Il répondait aux questions d'Anina Meus. Une question me taraude l'esprit, Manu. Serions-nous devenus plus prudents sur les routes ? Eh bien, en tout cas, la route est moins dangereuse. De manière globale, il y a moins de morts sur les routes. Les statistiques des 6 premiers mois de l'année 2016 sont encourageantes. Alors, la météo capricieuse y est peut-être pour quelque chose, parce que les motards sont moins sortis cette année. Il y a donc moins d'accidents impliquant des motards, moins d'accidents mortels. Ce qui est plus positif, c'est la diminution des accidents mortels le week-end. Les politiques de prévention payent enfin, se réjouit Benoît Godard de l'Institut belge de la sécurité routière. Depuis plusieurs années maintenant, c'est vraiment une tendance durable. Le nombre d'accidents baisse les week-ends et en particulier les nuits de week-end. Et là, indéniablement, c'est la combinaison des multiples campagnes de sensibilisation. Ces 10 dernières années, il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de campagnes de sensibilisation sur les accidents du week-end. Les contrôles aussi, hein, on sait que le risque de se faire contrôler a fortement augmenté ces dernières années, et en particulier le week-end aussi. Et un chiffre qui est interpellant quand même, à titre de comparaison, il y avait 104 tués au cours du premier semestre il y a 10 ans, et aujourd'hui on tourne autour de 44, donc ça veut dire une baisse de 58%. Donc là vraiment, c'est pas le fruit du hasard, c'est indéniablement le travail sur le terrain qui a payé. Benoît Godard, porte-parole de l'Institut belge pour la sécurité routière, au micro de Romain Bardet. Notez que la Wallonie affichait cet été des statistiques un peu moins favorables pour l'ensemble de l'année 2015. Les routes de campagne restent particulièrement dangereuses la nuit, le week-end. Ils sont bleus, ils ont deux roues, un porte-bagages aussi. Les blue bikes ne marchent pas très fort en Wallonie. Vous les avez peut-être déjà vus ou peut-être même vous en avez déjà loué un, Cyril. Les blue bikes existent depuis 2011. On les retrouve aux abords de certaines gares pour quelques euros. On peut en louer un pour la journée. Et l'objectif, c'est évidemment d'inciter le navetteur descendu du train, de l'inciter à utiliser le vélo pour terminer son trajet. Ça marche bien en Flandre. Par contre, en Wallonie, ça patine. Simon Gérard, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Il y a plusieurs facteurs, selon Samuel Delporte de l'ASBL Pro Vélo et nous. Je pense que les mentalités doivent encore évoluer en Wallonie et peut-être aussi que les besoins du Wallon ne sont pas les mêmes que le besoin du Flamand. Peut-être les dénivelés qui sont plus importants dans certaines villes en Wallonie aussi. Voilà, trop de montées donc, des trajets trop longs entre la gare et le lieu de travail, voilà les raisons du flop. Conséquence aujourd'hui à la gare de Mons, en moyenne un seul blue bike est loué par jour à Otigny. C'est encore pire, le service blue bike va bientôt fermer ses portes faute de location. Et en Flandre, ça se passe mieux? Mais ça se passe beaucoup mieux. En fait, la toute grande majorité des stations blue bike se trouvent en Flandre. Il y en a 39 en Flandre contre 4 à Bruxelles et 4 seulement en Wallonie. À Otigny, en tout cas pour le moment, toujours à Namur, Liège et Mons. Est-ce que ce n'est pas aussi ça, justement, la cause du fait que ça ne marche pas? C'est parce qu'il n'y a pas assez d'infrastructures. Ah ouais, ça joue hein, certainement. Dans ce genre de transport, il y a toujours un cercle vicieux ou un cercle vertueux. Plus il y a de vélos, plus c'est simple. On attire donc plus de cyclistes. C'est l'effet boule de neige. Par contre, moins de blue bike, ça signifie un service moins attractif et des clients potentiels qui s'évaporent, bien sûr. Et donc, comme la Flandre a plus de blue bike, elle est un peu avantagée. Oui. Et non, en fait, derrière les blue bikes, il y a la SNCB, mais il y a d'autres partenaires. Et clairement, on a été plus dynamique côté flamand. Selon le porte-parole de la SNCB Thierry Né, la SNCB veut bien développer les blue bikes en Wallonie, mais pour ça, il faut une volonté politique. Il faut savoir que la SNCB répond à une demande. Je dirais que si les projets ont été développés comme on les connaît à Namur, à Mons, à Liège, et aussi historiquement à Otigny, ben c'est parce qu'il y avait une demande pour ces sites-là. Alors justement, côté politique wallon, eh bien le cabinet du ministre de la Mobilité, Di Antonio, eh bien du côté du cabinet, on nous a dit que des contacts ont été pris pour relancer les blue bikes, le relancer dans certaines communes à suivre. Donc. Un dossier signé Simon Gérard. À l'étranger, les feux de forêt pratiquement maîtrisés près de Marseille, et l'incendie dans le massif des Calanques a mobilisé plus de 800 pompiers, ravagé 390 hectares de forêt. L'incendie est probablement d'origine criminelle. Le feu n'a pas fait de victimes, il a épargner les habitations. Des incendies qui menacent à présent la Costa Blanca espagnole. 1400 personnes ont été évacuées et ici aussi on suspecte un pyromane d'avoir déclenché le feu. A signaler encore à l'étranger la mort d'un kitesurfer australien. Il a été mordu à la cuisse par un requin en Nouvelle-Calédonie. L'homme était âgé d'une cinquantaine d'années. Un navire de sauvetage avec une équipe de secouristes a été dépêché sur les lieux de l'accident, mais le quinquagénaire n'a pas survécu à ses blessures. J'ai beaucoup de questions pour vous, Manu, ce soir. Une nouvelle, est-ce que demain, je pourrais prendre un abonnement de téléphone en Roumanie ou en Bulgarie? Ça pourrait peut-être être intéressant, hein, dans la mesure où le roaming, autrement dit les frais pour téléphoner d'un pays vers l'autre, disparaissent. Choisir l'opérateur le moins cher d'Europe pourrait donc être tentant. D'ailleurs, certains certains opérateurs sont relativement inquiets. Ils demandent à la Commission européenne de prendre des mesures pour éviter le shopping européen des opérateurs. Anne Blanpin. La crainte de certains opérateurs, c'est que les consommateurs s'abonnent chez un opérateur roumain ou bulgare, par exemple, nettement moins cher que les autres, alors même que ces consommateurs vivent à demeure en Belgique, en France ou en Allemagne. La Commission lance donc des pistes. Elle propose que si vous ne dépassez pas 3 mois d'utilisation de votre téléphone à l'étranger, vos communications nationales et européennes vous coûteront la même chose. Au-delà de ces 3 mois d'utilisation à l'étranger, libre à votre opérateur de vous faire payer un peu plus cher pour vos communications européennes. Mais ce n'est pas une obligation, il peut le faire. De la même manière, la Commission propose que le consommateur soit obligé de justifier un certain volume de communication dans le pays de l'opérateur. En clair, si vous prenez un abonnement chypriote, vous devrez justifier de certaines communications à Chypre, sous peine de voir votre facture augmenter légèrement. Ce cadre est facultatif, c'est-à-dire que les opérateurs peuvent être beaucoup plus généreux avec leurs clients et ne rien appliquer du tout. Mais si le consommateur passe des communications nationales auprès de l'opérateur qu'il a choisi, s'il ne dépasse pas 90 jours à l'étranger sur l'année, alors son opérateur ne pourra plus lui facturer aucun frais de roaming. Ben voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions ce soir, Cyril, mais j'ai fait de mon mieux. J'ai plus qu'à déménager, hein. J'ai bien compris. Vous pouvez déménager ou bien garder de très bons contacts en Bulgarie et en Roumanie pour téléphoner en permanence avec la Bulgarie. Ah, on voit tout de suite la fraudeuse. On voit tout de suite celle qui se dit... Je n'ai pas dit que j'allais le faire, hein, non, Cyril, je vous explique. Là. On voit comment vous êtes. Merci Manu, à tout à l'heure, 17h30. On part sur les routes tout de suite, juste après la pause. À la rentrée, on n'oublie pas de glisser un mascara dans son plumier. En ce moment chez Planète Parfum, moins 21% sur tous les mascaras. Valable aussi sur planeteparfum.com. Il est l'heure sur Vivacité de faire un point RTBF Mobile Info. Est-ce que ça coince sur nos routes à 17h16? Eh ben, c'est relativement calme aujourd'hui, il faut bien l'admettre. On a quelques ralentissements sur le ring de la capitale. En extérieur, Zaventem, Grand Bigard, vous perdez un quart d'heure. Et extérieur, toujours Grand Bigard au titre, une petite vingtaine de minutes. Dans l'autre sens, en circulation intérieure, c'est plutôt le tronçon Zaventem, Carrefour, Léonard qui vous fera perdre 15 minutes. Et puis, ces ralentissements habituels, vous le savez, sur le 40X, la Chapelle, Bruxelles, dans le chantier de Chorat. C'est surtout vers l'Allemagne que ça coince entre Longsaint et Chorat. Là, vous perdez quand même 50 minutes. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. De 17h à 19h sur Vivacité, 5 à 7 avec Cyril. Et avec vous toutes et vous tous, hein, ce soir jusqu'à 19h, on va faire de la radio ensemble. On va parler de votre premier rendez-vous amoureux. Alors premier ou pas d'ailleurs, mais un rendez-vous amoureux. Quand vous vous trouvez face à l'autre, c'est quoi les questions que vous avez à lui poser? Est-ce que vous avez un rendez-vous qui a été magique? Ou alors à l'inverse, un rendez-vous qui s'est peut-être pas super bien terminé? Vous me dites ça par SMS au 3063 et sur la page Facebook 5 à 7 via Cité RTBF. On va faire ce soir un tour de vos histoires. Et puis tout à l'heure, nous aurons une spécialiste, parce que oui, il y en a, qui nous dira quelles sont les questions importantes à posé lors d'un premier rendez-vous, ce sera dans quelques minutes. On s'intéressera à vos enfants dans un instant, à l'école exactement. Vous savez qu'en Flandre, il y a 25 ordinateurs pour 100 élèves, alors qu'en Wallonie, il n'y en a que 8,5 pour 100 élèves. Alors déjà, c'est pas facile de couper un ordinateur en deux, mais vous vous rendez compte là, il y a une grosse différence entre la Flandre et la Wallonie. Alors, est-ce qu'on est à la traîne? Est-ce qu'il faut qu'on se rattrape? On en reparle dans quelques minutes sur Vivacité. Vous savez que ce soir, il y a les Diables Rouges qui seront sur le terrain à Chypre. On espère une victoire. Et puis, on espère peut-être aussi, du côté de chez Ladbrokes, que les Diables Rouges chantent la Brabançonne. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il y a un pari qui a été lancé par cette agence. Il y a une cote de 1000 contre 1 si les Diables chantent la Brabançonne avant Chypre-Belgique. On sait que c'est pas le fort de nos Diables, hein, de tous chanter la Brabançonne. On reparlera de ce pari sur lequel voilà, vous pouvez mettre de l'argent aujourd'hui avant 18h, c'est promis. Il y aura Ophélie Fontana qui, comme tous les jours depuis hier, viendra nous voir. L'image du jour avant 18h dans le 5 à 7 sur Vivacité. On reviendra sur une émission que vous avez peut-être suivie hier. C'était la rentrée du Petit Journal sur Canal Plus en France, sur BTV en Belgique. Et le Petit Journal qui n'est plus présenté par Yann Barthez, par Cyril Eldin maintenant. Hier, catastrophe, au moment du démarrage de l'émission sur les réseaux sociaux, ça a commencé à se déchaîner. Et on voit un animateur qui fait copain-copain avec les politiques dans cette émission. Il espère que ça fait rire, sauf que c'est la folie sur les réseaux sociaux. Tout le monde attaque l'animateur, tout le monde attaque la nouvelle émission de Canal+. On en reparlera tout à l'heure dans le 5 à 7 sur Vivacité. Il y aura des cadeaux, plein de surprises. Bah bougez pas, on est parti pour 2 heures bien sympas ensemble. Vivacité.

pédagogie en quelque sorte, une nouvelle pratique pédagogique, et notamment en tenant compte du fait que nos jeunes sont nés presque avec un iPad ou un iPhone dans la main. Mais comme justement ils l'utilisent à la maison, est-ce qu'ils sont obligés de l'utiliser à l'école? On ne peut pas apprendre aujourd'hui bien sans avoir une tablette ou un ordinateur? Mais si justement, en fait, l'intérêt de ces nouvelles technologies, c'est de poursuivre en fait l'apprentissage à la maison, puisque vous pouvez faire toutes des pratiques, des exercices, on apprend par la répétition des exercices. Hein. Mmh. Et donc, on peut poursuivre le temps que l'on passe à la maison à surfer un peu idiotement sur Internet, on pourrait le faire à faire des simples exercices, en répétant les exercices avec des niveaux de difficulté progressivement plus élevés, un peu comme dans un jeu vidéo, et vous montez palier par palier. Et qu'est-ce qui coince réellement? C'est le budget? C'est la mentalité? Ou c'est simplement les professeurs peut-être qui ne sont pas prêts à utiliser parce qu'ils se sont peut-être dépassés? Justement, l'enquête d'Itinera démontre que 80% des enseignants sont convaincus de la valeur ajoutée de ces nouvelles technologies, notamment pour lutter contre l'échec scolaire et pour différencier les pratiques pédagogiques en fonction du niveau des élèves. Mais ils ont juste peur de s'y engager parce qu'ils ne se sentent pas accompagnés par un coordinateur informatique. La moitié des écoles n'en disposent pas, et celles qui en disposent, c'est souvent un autre prof qui n'est pas là à temps plein et qui doit aussi faire ses cours, tandis qu'en Flandre, c'est une personne à plein temps. C'est quoi son travail exactement, ce coordinateur qui manque chez nous? Son travail, c'est vraiment d'intervenir dans une classe. Il y a un bug au moment où l'enseignant essaie d'utiliser une animation sur Internet ou un logiciel interactif avec ses élèves, et donc l'enseignant se sent rassuré. S'il y a un problème, la personne intervient tout de suite. Et on ne pourrait pas faire ça? On ne peut pas déjà démarrer sans avoir ça? Est-ce qu'on ne cherche pas une excuse pour ne pas se lancer? Mais c'est pas une excuse, hein, si vous mettez à la place. Les cours, ça dure 50 minutes, une classe. Hein, donc si vous démarrez et qu'il faut vos 20 minutes pour régler le problème informatique, que la moitié du cours est passé. Donc il faut absolument changer aussi les horaires des cours, avoir des cours de 2 heures d'affilée pour pouvoir mettre en place les programmes informatiques et d'utiliser les logiciels. Et il faut qu'il y ait sur place quelqu'un qui peut intervenir rapidement pour régler un problème technique. Alors j'entends déjà plein de parents dire « Oui, mais nos enfants sont déjà sur des écrans tout le reste de la journée. » Vous leur dites quoi, eux? Mais il ne s'agit pas seulement d'aller sur des écrans. Il s'agit donc, par exemple, un tableau interactif, c'est comme un grand écran à la place du tableau à la craie. Ouais. Et ça permet finalement d'être beaucoup plus flexible dans l'apprentissage. Hein, et on peut facilement changer les gens dans ces exercices. On peut projeter des animations beaucoup plus pédagogiques. Imaginez apprendre le mouvement des planètes. Quand vous voyez une animation, vous comprenez mieux comment la Lune se déplace par rapport au Soleil, les différentes planètes. Si vous devez faire ça, si vous voulez, sur un tableau, avec une craie, c'est beaucoup plus compliqué. Et est-ce qu'on pourra pirater les interros? Non, ça c'est peu probable. Tout ça peut être sécurisé, en fait. Et j'ajouterais que les parents peuvent aussi suivre au jour le jour l'apprentissage de leurs enfants. Donc ceci est un moyen de reconnecter, si je peux me permettre, les parents avec l'apprentissage de leurs enfants. Alors il y a un plan wallon, école numérique, qui va être mis en place avec un budget de 62 millions d'euros. Ça veut dire que toutes les écoles vont être bientôt équipées? Non, parce que ce sera sur des appels d'offres. Donc ce sera à nouveau les écoles qui sont les mieux organisées, les plus en avant, qui feront les appels d'offres et les autres seront en retard. Donc ça risque de susciter une inégalité entre les écoles, si vous voulez. Et bien merci Jean-Hendrix pour toutes vos explications. Je vous souhaite une excellente soirée. Dans la suite de ce 5 à 7, beaucoup de choses qui arrivent. On va parler d'amour. Vous vous souvenez de votre premier rendez-vous? Comment ça s'est passé? On va échanger ce soir. Quelles sont les questions que vous avez posées ou qu'on vous a posées au premier rendez-vous? 3063 pour me le dire par SMS. On parlera de sport aussi avec les fans du Standard qui l'ont appris aujourd'hui. Leur entraîneur a changé. Yannick Ferrara est dehors. On en reparle dans un instant sur Viva. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous demain dès 11h sur Vivacité. Vivacité présente le meilleur de l'Extraordinary Film Festival, les 16 et 17 septembre à Uccle. Renseignements teff.be avec Cap 48 et Vivre Ici. Le 5 à 7 de Vivacité continue dans quelques instants. Venez découvrir notre toute nouvelle gamme Honda et profiter des 20% de remise sur nos véhicules de stock. Du jamais vu! Portes ouvertes ce 10 et 11 septembre chez Honda Ring Motor. 02 524 16 14. Ring Motor, c'est vraiment très fort! Bonjour, je viens pour la Golf. Oui, bien sûr, il y a déjà une Golf All-Star à partir de 14 990 euros. Oui, je sais, je la prends. Vous savez qu'elle dispose de jantes en alliage? 16 pouces, oui, de vitres teintées, d'une climatisation, oui, tout à fait. Ouais. Une série superbe. Et super équipée, oui, je sais, je la prends. Pendant les portes ouvertes jusqu'au 20 septembre, profitez de nos conditions exclusives sur toute la gamme Volkswagen. Par exemple, une Golf All-Star super équipée à partir de 14 990 euros. Prime de recyclage conditionnelle de 1 500 euros déjà déduite. Rendez-vous chez votre concessionnaire Volkswagen. Hérisson, tu te dandines sur les sentiers du Ravel. Tu louvoies, tu dodelines lorsque les journées sont belles. Tu dégaines tes piquants au moment où vient Manon, chevauchant son vélo blanc, et pff, c'est la crevaison. Sur le Ravel, en tout temps, règne la loi du hérisson. Voilà pourquoi les AP Assurance vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurance, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. De l'expertise, du cœur et de la passion. C'est ce qu'Intermarché vous propose durant ces trois semaines de foire au vin. Nos experts partagent avec vous une sélection de qualité et toujours au prix le plus bas. De quoi vous faire plaisir jusqu'au 25 septembre. Ouvert dimanche et jours fériés, horaire en magasin. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Combien demanderiez-vous pour couper votre petit orteil ? Le petit orteil ? Tu peux demander ce que tu veux. 60 000. Allez bon, 1 million. 2 millions alors. Devenir handicapé, ce n'est pas un choix. 80% des handicaps surviennent au cours de la vie. Cap 48. Pour que le handicap ne soit plus un handicap. La solidarité nous fait tous avancer. CBC, décidez d'avancer. Il est 17h30, voici les titres de l'actualité avec Manu Delporte. Avec dans l'info aujourd'hui, cette réunion en cours entre direction et syndicat de Caterpillar. C'est la première fois qu'ils se revoient depuis le conseil d'entreprise de vendredi dernier et l'annonce de la fermeture de l'entreprise de Gosselies. Ils se voient en terrain neutre à Nivelles. La nouveauté, c'est que la direction américaine a donc désigné les interlocuteurs pour négocier avec les syndicats. C'est la direction régionale qui est mandatée. La justice a de plus en plus de mal à trouver des traducteurs interprètes, en cause les conditions de travail et les tarifs pratiqués qui sont inférieurs que dans le privé. Et sans traducteur, il faut parfois reporter des audiences. Ça vient d'être le cas à Bruxelles où il a fallu reporter une audience concernant une affaire de traite des êtres humains. Ou alors la justice trouve des solutions parfois très alambiquées. On en reparle à 18h dans le journal de Delphine Vreux. On évoquera aussi dans une demi-heure la consommation d'alcool chez les jeunes. L'UCL vient de mener l'enquête. Consommation toujours problématique. C'est en fin d'humanité que les problèmes sont les plus criants et cela a des conséquences sur les études. Et puis des nouvelles aussi des footeux. Les Diables sont à Chypre pour la qualification mondiale. Les joueurs du Standard, eux, travailleront avec un nouveau coach, Alexander Jankevic, qui arrive en droite ligne de Malines, gonflé à bloc. Et ben on va en parler d'ailleurs dans un instant avec le responsable du groupe de supporters Standard Internet. Comment ça passe cette info à Liège? On y revient dans quelques secondes. Merci Manu. Prochain point sur l'actualité à 18h. Là, c'est la météo. Tout de suite, Dominique, on s'attend à du bon ou du pas très bon? Du très bon, conditions estivales. De retour, à partir de demain, ça va durer plusieurs jours. D'ailleurs, soleil et chaleur. Demain, 23 à 27 degrés, puis ensuite 23 à 28 pour jeudi, 21 à 25, vendredi et samedi. Notez que samedi, il y aura à nouveau des nuages en fin de journée avec un risque d'averse ou un petit coup de tonnerre dans la nuit de samedi à dimanche. Mais dès dimanche après-midi, les éclaircies vont revenir et on va repartir sur un temps sec. On va partir sur les routes tout de suite à 17h32. C'est le RTBF Mobile Info. Fanny Gillard, y a-t-il des soucis ce soir? Bah écoutez, justement, il fait pas trop laid dehors et donc du coup pas trop de soucis non plus sur nos routes. Véhicule en panne sur le ring de Bruxelles, circulation intérieure, c'est dans le tunnel Léonard, bande gauche encombrée en direction de Waterloo. Et puis il y en a un aussi en circulation extérieure, cette fois-ci à hauteur de Dilbeek, voie centrale encombrée en direction de Mons. Si on regarde ce ring de plus près, les deux plus gros soucis, eh bien c'est sur le tronçon extérieur Grand Bigard au titre, vous perdez 15 minutes. En intérieur, Zevenden Carrefour Léonard, là vous perdez également un quart d'heure. Et puis je vous rappelle les ralentissements sur le 40 Aix-la-Chapelle Bruxelles à hauteur du fameux chantier de Cherat, vous perdez 10 minutes vers Bruxelles. Par contre vers Aix-la-Chapelle entre Lonsin et Cherat, là vous perdez 50 minutes. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Avec comme tous les jours Ophélie Fontana qui arrive dans quelques minutes, c'est l'image du jour avant 18h, le cactus de Jérôme de Warzé aussi. Et c'est un faux, une agence de Paris a lancé un pari complètement dingue, une cote de 1000 contre 1 si les Diables chantent ce soir la Brabançonne. Alors on sait que c'est pas leur fort, mais comment est-ce qu'on peut lancer un pari pareil? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment on peut parier dessus? On y revient dans quelques minutes. À propos de sport, dans l'actu sport, il y a donc ce limogeage de Yannick Ferrara au Standard. Comment ça se passe du côté des supporters? Comment on prend la nouvelle? Est-ce qu'on est content du nouveau coach qui a été annoncé tout à l'heure? Réponse dans quelques secondes. Et puis il y a des cadeaux aussi à gagner tous les soirs dans le 5 à 7. Vous savez que je viens pas les mains vides. J'ai pour vous, et ce sera encore le cas pendant tout l'été, puisque l'été c'est quand même pas terminé là encore, grâce au beau vélo de Ravel à 365.be, Yacine était le revu, des entrées pour la distillerie de Biercé à Thuin. Ah, il y a des bonnes choses là-bas. Vous allez passer un bon moment, ça c'est sûr. Non seulement on apprend, parce que c'est vrai, on ne sait pas forcément comment tout est distillé là-bas. On ne sait pas comment les produits sont fabriqués, sauf si vous y êtes déjà allé. Mais en plus, il y a des choses à goûter. Alors, on va passer un bon moment en famille. Quatre entrées en famille ou entre amis, parce que c'est la distillerie quand même. Vous envoyez Ravel, R-A-V-E-L, au 60-03 pour 75 centimes. Le message, je vous dis bonne chance et peut-être à tout de suite. Après le match raté contre l'Espagne ce mardi soir à Chypre, les Diables Rouges doivent vaincre pour convaincre. Dès 19h, David Oudrey, Pascal Chimé, Nordin Djebari vous donnent la parole sur cette rentrée complètement foot. Et à 20h45, vivez Chypre, Belgique, le premier match de qualification de nos Diables pour la Coupe du Monde 2018 avec Thierry Luthers et Manuel Jouss en direct de Nicosie. Rentrée, on n'oublie pas de glisser un mascara dans son plumier. En ce moment chez Planète Parfum, moins 21% sur tous les mascaras. Valable aussi sur planeteparfum.com. Chérie, combien de temps avant 22h? 6 secondes, concentration maximale. Hein. Pas trop tôt, pas trop tôt. 4, 3, allez Patrick, 2, à fond, hein. 1 et go! Wouh! N'oublie pas de passer en dessous du canapé, hein. N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions au 0800 32 032. Essent.be, notre énergie, une source de plaisir. L'ouverture de la saison de l'OPRL. Au programme, l'imposante symphonie Titan de Mahler et Thomas Zehetmeyer en invité dans Bartok. Le 22 septembre à Bruxelles et le 23 à Liège. Ne manquez pas l'ouverture de la saison de l'Orchestre Philharmonique Royale de Liège. Info ticket 04-224x0 ou opRL.be avec Vivacité. Un problème, Camille? Non, c'est juste les joies de la rentrée. Les enfants laissent toujours tout traîner. Camille, vous avez besoin de rangements sur mesure Camber pour démarrer la rentrée bien rangée. Vestiaires, bureaux, placards sur mesure, les architectes d'intérieur Camber ont plein d'idées pour vous conseiller. En plus, chez Camber en ce moment, c'est l'action Back to School. Camber, more space for your place. Vivacité présente 500 échoppes, marché aux fleurs, concours d'animaux, brocante et braderie, concert de Mister Cover. L'ambiance sera à la fête ce 13 septembre au marché annuel d'Anderlecht, place de la Vaillance et alentour. Invité exceptionnel de cette 191e édition, la Grande Roue de Paris pour découvrir Anderlecht autrement. Ce 13 septembre, c'est la fête à Anderlecht. Avec Voltis, j'assure le confort et la sécurité de toute ma famille. Voltis, des conseils éclairés, des idées lumineuses. Voltis. Du jeudi 8 au dimanche 11 septembre, portes ouvertes exceptionnelles à Nivelles et Waterloo. Pour le premier anniversaire de Nivelles, Voltis frappe fort. 20% de remise sur tout. Oui, vous avez bien entendu, 20% sur tout pendant ces 4 jours à Nivelles et Waterloo. Découvrez nos promotions sur voltis.be. Voltis, c'est vous qui voyez. 17h-19h, 5 à 7, sur Vivacité. Oh, demain, il y a un chouette invité chez Benjamin Maréchal. Enfin, c'est comme ça tous les matins, vous allez me dire. Mais dans le 8-9 demain, Marc Domaille de Cocoon, le groupe de pop français, sera demain dans le 8-9, donc avec Benjamin Maréchal. Il y a un nouveau single, Choupi, que vous entendrez demain si vous ne le connaissez pas encore. Et donc, on parlera de ce troisième album cette année, Welcome Home. Soyez là demain à partir de 8-9, de 8h dans le 8-9 avec Benjamin Maréchal et toute l'équipe. 5 à 7. Dans quelques minutes, Ophélie Fontana arrive, ce sera l'image du jour, le cactus de Jérôme de Warzé comme promis aussi. Je reviendrai sur ce pari complètement dingue, vous l'avez peut-être vu passer aujourd'hui, peut-être que vous avez misé même dessus, puisque c'est un vrai pari. Une agence de paris a lancé ce pari, une cote de 1000 contre 1, si les Diables chantent la Brabançonne avant Chypre-Belgique ce soir. Vont-ils tous chanter ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, comment est-ce qu'on peut faire ce genre de pari? On verra ça dans quelques minutes. Avant, on reste dans le sport, avec une journée complètement dingue pour le Standard à Liège. On apprend ce matin le limogeage de Yannick Ferreira. Et puis dans la foulée, on apprend l'arrivée de Aleksandar Jankovic cet après-midi. Philippe Noël, vous êtes responsable du groupe de supporters Standard Internet. Quelle journée, Philippe, bonsoir. Bonsoir. Votre cœur a pas trop battu aujourd'hui, ça va? Oh non, vous savez, en étant supporter du Standard, on a quand même l'habitude de l'entendre pas régulièrement. C'est un peu les montagnes russes chez nous. Ah bah donc, oui. Donc des changements d'entraîneurs et des changements de direction, des changements de joueurs, on connaît ça, je veux dire, à tout vent. Donc c'est pas une grosse journée pour nous, on n'est pas très surpris. C'était dans l'air du temps, c'était prévisible. Il y avait juste ce timing finalement qui prévalait. Donc ben voilà, maintenant on sait ce qui va se passer, on sait avec qui on va travailler à l'avenir. Donc, vous voilà. Pensez que ça a trop traîné avec Yannick Ferrara? On l'a gardé trop longtemps ou pas? Parce que cette saison-ci, on peut pas dire qu'elle a vraiment bien démarré. Non, mais bon, c'est certainement pas dû uniquement à Yannick Ferrara. C'est certainement dû aussi au fait que la direction a traîné pour réaliser certains transferts. Donc il n'avait certainement pas les joueurs pour pouvoir commencer la saison de manière optimale. Maintenant, il a certainement des responsabilités dans les résultats actuels, mais Janković aura des responsabilités dans les résultats futurs et on pourrait tout à fait revivre la même chose dans 6 mois. C'est un petit peu le problème des entraîneurs qui ne font pas des résultats. Ouais. Seuls les entraîneurs faisant des résultats sont évidemment idolâtrés par leurs supporters et s'ils n'en font pas, on mettra toujours la faute sur l'entraîneur, bien entendu. Ben c'est ça, mais alors là, ici, si c'est pas tout à fait de sa faute, c'est pas tout à fait juste de l'avoir viré. Non, mais vous savez, quand une direction prend une décision, elle ne fait pas une consultation populaire auprès de ses supporters. Donc, on va dire que c'est la direction qui décide, ce sont les gens qui payent. Donc, ici, en l'occurrence, M. Venanzi, qui, sous les conseils évidemment avisés des personnes avec lesquelles il s'est entouré, donc Daniel Van Buyten et Christophe Arrotté, manager, a fait ce choix et pris cette décision, avec Olivier Renard également, et ça, c'est un choix qui leur appartient. Maintenant, il va être ce choix approuvé par certains, critiqué par d'autres, et certainement critiqué par la suite par ceux qui l'ont approuvé maintenant. On connaît le Standard, on sait comment ça va. Seuls les résultats comptent, et pour nous, ben, vous savez, on retient que les titres, et finalement, c'est Michel Prudhomme et Lucien Donofrio, les autres, ils n'ont pas réussi ce que les autres ont réussi avant, donc voilà. Un petit mot sur le timing quand même. Ce soir, il y a un match des Diables. Il n'y avait pas de match. Enfin voilà, il ne s'est rien passé au Standard ces dernières heures. Pourquoi aujourd'hui? Vous pensez que ça ne donne pas une image un peu négative, pour le dire vulgairement, ou ce serait un peu simplement le bordel et une mauvaise entente au Standard en ce moment? Je pense que c'est surtout juridique, puisque si vous regardez bien le timing, Monsieur Ferreira avait un contrat d'un an au départ qui s'est terminé, je pense, cette semaine ou fin de la semaine dernière. Alors si je dis pas de bêtises, on est à un an moins un jour. C'est-à-dire qu'il lui restait normalement encore une journée pour aller au bout de ce contrat. Ben voilà, vous pouvez essayer de vous procurer son contrat. Vous vous apercevrez certainement que Standard, ça leur coûte nettement moins cher de le virer maintenant que de l'avoir viré il y a 15 jours. Voilà. Vous irez au stade dimanche? Vous supportez ce renouveau? Vous savez, nous, on est supporters du Standard. Et avec ses hauts, avec ses bas, avec son ambiance, avec tout ce qui se passe, voilà, maintenant, on espère toujours qu'on va aller mieux. On espère toujours que tout va bien se passer. Et on va supporter le Standard avec ses nouveaux joueurs, avec ce nouvel entraîneur. Et voilà, c'est comme ça. Alors, est-ce qu'il y a des nouveaux supporters quand il y a un changement d'entraîneur comme ça? On parle beaucoup du Standard, donc aujourd'hui dans la presse. Est-ce qu'il y a des gens qui quittent le stade et d'autres qui arrivent en tant que supporters? Vous avez observé ce phénomène ou pas? Non, je pense pas. Les supporters du Standard sont des supporters qui sont de père en fils, de famille en famille. Les supporters restent, ne partent pas. On nous avait dit, on pensait qu'avec les mauvaises périodes après les titres que nous avions eus, on allait avoir une chute de fréquentation. C'est pas le cas du tout. On vend toujours autant d'abonnements. C'est toujours aussi plaisant d'aller au stade, même si les résultats ne sont pas là. On trouve d'autres motivations, retrouver les amis, retrouver les copains. Mais maintenant, vous savez, tous les changements qu'il y a en permanence au Standard font que finalement, on se remotive de manière continuelle. Donc, voilà, le Standard, c'est ça, c'est une histoire, c'est pas un club comme un autre. Et on y prend du plaisir et je pense que ça va encore durer longtemps. Eh ben, on suivra ça de très près sur Vivacité, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée, Philippe. À bientôt. Un grand merci à vous et à bonne soirée à vous. Au revoir, vous écoutez le 5 à 7 sur Vivacité, il est 17h43. 5 à 7. Alors cette version-là, a priori, ils vont pas la chanter ce soir, les Diables Rouges, mais la version normale, peut-être qu'ils la chanteront sur le terrain. C'est l'objet d'un pari qui a été lancé par Ladbrokes. L'idée, donc, c'est une cote de 1 contre 1000 si les Diables Rouges chantent la Brabanson lors de l'hymne national ce soir avant Chypre, Belgique. Alors c'est un pari fou, quand même, qui a été lancé par l'agence Ladbrokes. Beaucoup de pubs, Sébastien Coucouille, vous êtes Sportbook Manager. Bonsoir. Oui, bonjour, voilà. Bien donc ça. Voilà, en fait, je voulais juste vous dire que, voilà, en tant que leader de paris sportif ici en Belgique, on peut se targuer d'être la société qui propose donc le plus de promotions en Belgique vis-à-vis de concurrence. Et on essaye sans cesse, en fait, de surfer un peu sur la vague des buzz créés par les réseaux sociaux ou autres types d'actualités. Donc, comment c'est venu, en fait, ici, c'est que, en l'occurrence, tout est parti d'un tweet que M. Rodrigo Benkens a posté sur son compte Twitter. Ouais. Donc, Rodrigo Benkens, que vous devez connaître certainement, qui est un commentateur phare de l'RTBF. Oui, on connaît bien ici, oui. Voilà. Et qui incitait donc tous les tweetos à poser des questions sur les Diables Rouges et qui les relayerait ensuite à notre entraîneur fédéral, Roberto Martinez. Mmh. Donc, suite à quoi, en fait, Elliot Van Spridonk, qui est donc un fraîchement médaillé des Jeux Olympiques de Rio, avec notre équipe nationale de hockey, qui a tenté de relever un défi, donc qui a posé la question, est-ce que les Diables sont prêts à chanter l'hymne national belge tous en chœur à la manière des hockeyeurs? Mais c'est pas juste un coup de pub, c'est un vrai pari, alors on peut mettre de l'argent dessus. C'est un vrai pari, effectivement. Maintenant, donc, initialement, nous avons proposé une cote de 1000 contre 1. Donc, ouais. Ce n'est plus le cas maintenant, car en fait, nous attendions pas un tel engouement, une telle ampleur dans la presse nationale. Et hop, hop, hop. On s'y attendait pas, quand même. Pour être repris comme ça, honnêtement, on ne s'attendait pas à être submergé d'appels des clients voulant participer à cette promotion. D'accord. C'est vrai que la cote était haute, il est vrai, mais... C'est pas la première fois que nous proposons des cotes un peu spéciales qui sortent de l'ordinaire. Et là, c'est vraiment la première fois que je peux dire qu'il y a eu un tel engouement. Donc. Et le principe du bookmaking étant que les opérateurs des paris sportifs en général, c'est pour tous les opérateurs, c'est de contrôler le risque. Nous, on a rapidement atteint la limite de risque qu'on avait prévu pour ce marché. Et on a donc décidé, au lieu de fermer le pari comme on l'aurait fait en temps normal, disons, on a continué quand même à proposer ce pari à une cote plus basse, vu l'engouement général suscité par la promotion. Et alors concrètement, ça veut dire qu'il y a encore de l'argent à gagner ou pas, ou c'est pas intéressant? Il y a encore de l'argent à gagner. Donc pour l'instant, nous, on propose une cote de 50, qui honnêtement est encore une très très belle cote, qui ne correspond plus à celle des 1000, mais une cote de 50, honnêtement, c'est quand même une très très belle cote. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas et qui parient jamais, ça veut dire quoi en argent? Une cote de 50, c'est-à-dire vous pariez 1 euro et si le pari est gagnant, vous remportez dans votre poche 50 euros. Ah bah d'accord. Et là-dessus, il y a des soupçons possibles de paris truqués ou pas? Parce que peut-être qu'ils se sont mis d'accord, les Diables Rouges, qu'ils ont parié eux-mêmes. Ben dans ce cas-là, c'est nous qui prenons le risque de toute façon. Donc si c'est le cas, tant mieux pour nos clients, je dirais. D'accord. Mais je ne crois pas qu'ils se soient mis tous ensemble. De toute façon, vous savez que les joueurs professionnels ne peuvent pas parier eux-mêmes. Donc ça leur est interdit, donc non, il n'y a pas de soupçon de pari truqué, tout vient d'un topic qui a été lancé en fait par notre hockeyeur belge, et voilà comment on est arrivé là. Et puis de toute façon, il faudrait qu'ils retiennent les paroles, et ça, c'est pas gagné. Merci beaucoup Sébastien d'être passé ce soir dans le 5 à 7. Je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Dans la suite de ce 5 à 7, c'est Ophélie Fontana qui arrive pour l'image du jour. Bonsoir Ophélie. Ah ben bah, attendez, il faut que j'allume votre micro, voilà, ça fonctionne mieux comme ça. Mieux. Comment ça va? Bah ça va et vous? Ben oui, très bien. On va parler de quoi dans un instant? Ben encore un peu de foot justement, un peu de sport, puisque vous aimez tant ça, ça nous rappellera nos bons souvenirs de l'année dernière avec la chronique des Diables. On va parler de ces nouveaux visages qui vont et qui viennent au Standard. Ah ouais, c'est la folie cette histoire au Standard aujourd'hui. Quelle journée pour les Liégeois, on y revient juste après ça, bougez pas. Chou, le plombier est là. C'est le menuisier? Le carreleur est aussi arrivé? Eh ben voilà déjà le peintre! Avec Dagmar Buys, vous avez tous les spécialistes de la salle de bain à votre disposition, sans souci. L'équipe de Dagmar Buys rénove votre salle de bain de A à Z dans les plus brefs délais, selon vos goûts et votre budget. Dagmar Buys, inspiration, rénovation. Contactez-nous sur dagmarbuys.be. C'est la rentrée et votre Westland Shopping va vous aider. Ce mercredi 7 septembre, de 14h à 18h, déposez-nous vos cahiers et nous les recouvrons dans l'heure. Participez aussi à nos ateliers coiffure chrono, lunch rapide et équilibré, comment choisir son stylo ou entretenir ses lunettes. Une rentrée zéro stress, c'est au Westland Shopping. Rendez-vous ce mercredi 7 septembre, de 14h à 18h et n'oubliez pas leurs cahiers. Westland Shopping, mon shopping, si proche. Ring West, sortie 14, parking facile. Bientôt temps de choisir ma nouvelle voiture. J'ai vraiment envie d'autre chose. Profiter des dernières technologies. Ce Pilot Assist de série dans la nouvelle Volvo S90 par exemple. Il adapte automatiquement ma vitesse au véhicule qui précède et m'aide à rester bien au milieu de ma bande. La sécurité, ça compte pour moi. Et le design, pur, parfait. La nouvelle Volvo S90. Essayez-la durant les journées découvertes. C'est samedi et dimanche chez votre distributeur Volvo. Retrouvez votre météo au 0900 277 70 57, l'appel. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Pour les 50 ans de Toyota en Belgique, profitez de conditions anniversaires exceptionnelles pendant tout le mois de septembre. Jusqu'à 4 000 € d'avantage sur les hybrides et des conditions irrésistibles sur le reste de la gamme. Rendez-vous aux portes ouvertes du 16 au 18 septembre chez votre concessionnaire Toyota. Plus d'infos sur toyota.be. Jusqu'à 19h, 5 à 7 avec Cyril. Le cactus de Jérôme de Warzé arrive dans quelques minutes sur Vivacité. Si vous l'avez raté ce matin, séance de rattrapage. Et puis là, on revient quand même sur l'info du jour. C'est l'image du jour avec Ophélie Fontana. Ophélie, ça se passe au Standard, ça se passe à Liège ce soir. Bah oui, ça bouge dans l'organigramme du Standard. Mais donc, la grande nouvelle du jour, elle est tombée ce matin, c'est Yannick Ferreira qui est licencié. À votre avis, quand est-ce qu'il a appris la nouvelle ? Ah ben, je suppose avant qu'on l'apprenne nous ou pas ? Bah, à mon avis, ça s'est joué à quelques secondes près puisqu'il l'a seulement aussi appris ce matin et c'est tombé dans les médias ce matin. Donc à mon avis, c'était peut-être une question d'une demi-heure. Donc voilà, il était remercié. J'espère pour lui qu'il a reçu par une alerte info, vous voyez. Bah ça, j'espère quand même pour lui. Non, je pense que ça a quand même été un peu fait un peu mieux que ça. Il a donc été remercié pour tout ce qu'il a apporté au club. On lui souhaite le meilleur pour la suite. Donc ça a quand même été fait avec la formule de politesse. Voilà. Pourquoi ? Ben tout simplement parce que c'est vrai que son bilan, il n'était pas bien terrible. Après 5 journées de championnat, donc après 5 matchs, Charleroi, le Standard était seulement 11e avec 6 points. Et donc voilà, vous parlez de Charleroi, c'est normal, Charleroi qui est en tête. Mais voilà, et puis surtout parce qu'il y était aussi, il y est passé. Et donc voilà, la direction du club liégeois avait peur de revivre le scénario de l'année dernière. Vous vous souvenez, c'était horrible ce déchirement, pas de play-off 1 pour le Standard, donc ça c'était dur. Il y avait le petit lot de consolation, c'était la victoire en Coupe de Belgique qui a amené le club liégeois dans les poules de l'Europa League. Mais voilà, c'est pas suffisant, la confiance n'était clairement plus là depuis quelques semaines. Et voilà, la sentence est tombée ce matin, il était là depuis un an seulement, Yannick Ferreira, depuis 2015. Il est tout jeune, 31 ans, c'est le plus jeune entraîneur de la Pro League. C'est peut-être d'ailleurs ce qui lui a fait défaut. Un manque de maturité, un manque d'expérience. Il avait eu pourtant un bon bilan dans son précédent club qu'il avait entraîné à Saint-Tron. Mais voilà, et pour les observateurs, il avait clairement les cartes en main, les joueurs qu'il faut pour avoir un meilleur bilan. Donc voilà, ça n'a pas pu passer. Et surtout, il y avait aussi les relations qui se sont détériorées avec un nouveau duo. On a beaucoup parlé ces derniers temps, ouais. Voilà, avec ce nouveau duo à la direction, avec Van Buyten, avec Olivier Renard. Bien, ça se passe, c'est pas très bien. Donc voilà quelques éléments qui permettent d'expliquer la décision du club liégeois de se séparer d'Yannick Ferreira. Qu'est-ce qu'il va faire lui maintenant ? Vous avez Je sais pas. À mon avis, voilà, il va peut-être quand même retrouver du boulot dans un autre club. Puis on sait jamais si ça ne se passe pas bien avec le nouvel entraîneur des Diables Rouges, pourquoi pas un prochain entraîneur des Diables Rouges. Je vais vraiment la charrue avant les bœufs. Mais voilà. Il va d'abord partir en vacances, je crois. Voilà, il va se reposer un peu, il va sans doute faire le point sur sa vie et puis on verra bien. J'imagine qu'on le retrouvera quand même quelque part. Vu qu'il n'a que 31 ans, justement, c'est peut-être un atout. Il a encore pas mal de marge de progression. J'espère qu'il a encore quelques années de carrière devant lui, effectivement. Alors on parle de son remplaçant aussi tout à l'heure. C'est vrai qu'il faut quand même aussi l'annoncer, le présenter. C'est Aleksandar Jankovic. Il est aussi finalement assez jeune, 44 ans. Et ce n'est pas un inconnu en Belgique. Peut-être son nom d'ailleurs vous dit quelque chose, Cyril, vous qui adorez le foot. Évidemment. Qu'est-ce qu'il faisait jusqu'ici ? Il était entraîneur. Ah voilà, c'est vrai, c'est bien. C'est pas faux. Hein. Voilà, au club de Malines depuis 2014. Et Malines, c'est un club que connaît bien aussi Olivier Renard, qui est le directeur sportif du Standard. Donc à mon avis, il y a eu quelques copinages, comme vous le dites. Et il y a aussi d'autres joueurs de Malines qui sont aujourd'hui au Standard. On pense à Jean-François Gillet, le gardien qui était donc passé par le club malinois. L'entraîneur des gardiens au Standard est aussi un ancien de Malines. Donc vous voyez, il y a eu quelques rapprochements. Ils vont peut-être changer la couleur du maillot bientôt. Ils vont se mettre en jaune aussi. Voilà, ils vont peut-être faire un mix entre ces deux maillots. Et pour les présentations, pour ceux qui ne le connaissent pas bien, donc Jankovic est né en 1972 à Belgrade. Il est donc serbe. Il a d'abord été joueur professionnel, puis coach. Et avant d'être à Malines, il est aussi passé par Lokeren en Belgique. Donc il connaît bien notre pays. Alors pour ses qualités, on le dit rassembleur. Il parle plusieurs langues, toujours

Par ailleurs, en plus du service médical, d'une prévention suicide, d'une ligne d'assistance psychologique... Dites qui paye ça ? Connaissez les tarifs Proximus en journée ? Doucement, hein, sinon on va devoir fermer le site de Bucarest pour payer les factures. Nous comprenons l'émotion, gna gna gna, bon, rajoute une centaine de synonymes, voilà. Bon, alors, je relis rapidement. Collègues, très difficile, moins de bonus, on ferme, déroule, ne compte sur personne et tire ton plan. Parfait, bon, voilà, bon, j'espère qu'ils ne sont pas sur échec ça. Vous m'envoyez ça et on part à Grenoble. Le cactus de ce matin, élégance froide, Jérôme de Warzé. Tact, oui. Jérôme de Warzé. Pudeur, Jérôme de Warzé. Cynisme, ouais. Cynisme, j'en ai pas d'autres, j'en ai pas un autre. Mariage et bar mitzvah, Jérôme de Warzé. Après d'amis, Sarah vient avec, elle fait les cocktails, boum, la soirée est réussie. Ah. Et Christophe vient raconter des blagues. C'est comme ça que ça se passe. On peut essayer. Voilà. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. On fait un petit point sur la météo. Dominique, est-ce que vous avez des bonnes nouvelles ? Du soleil et de la chaleur à vous annoncer, conditions carrément estivales. Demain, jeudi et vendredi, 23-28 degrés en moyenne. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vaza, m'ouvre-toi ! Instagram, ouvre-toi ! Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça. Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Vous écoutez Vivacité, il est 18h. Elle avait retrouvé un visage en 2005. Elle était la première patiente au monde à recevoir une greffe du visage, mais elle est morte. De lourds traitements anti-rejet auraient favorisé l'apparition de cancer. La consommation d'alcool se stabilise chez les étudiants. Mais ils boivent très jeunes. Le pic de consommation, c'est désormais en secondaire. Résultat d'une enquête menée par l'Université catholique de Louvain. Direction et syndicat de Caterpillar à Gosselies se sont revus cet après-midi. On imaginait l'ambiance. La réunion s'est visiblement mal passée selon les toutes premières informations. Nous irons sur place. Alexander Jankovic arrive, Yannick Ferrara s'en va. Le Standard change d'entraîneur. Eux vont fêter, vont tenter d'inverser la vapeur. Les Diables Rouges jouent ce soir à Chypre leur premier match de qualification pour le Mondial en Russie dans 2 ans. On en parle dans le Journal des Sports. Le journal sur Vivacité, c'est avec Delphine Vreux. Bonsoir Delphine. Bonsoir. Son nouveau visage avait fait le tour du monde. Un visage qui lui avait été greffé, première mondiale. C'était en 2005. Mais Simon Gérard, on apprend que cette patiente française est morte. Oui, elle s'appelle Isabelle Dinoir, décédée à 49 ans des suites de 2 cancers. L'apparition de ces cancers ont d'ailleurs été favorisées par des médicaments anti-rejet. Des lourds traitements qu'elle devait prendre à vie et qu'elle prenait depuis son opération il y a 11 ans. C'était en 2005, Isabelle Dinoir, à l'époque à 38 ans, son labrador qui ne l'avait pourtant jamais mordu auparavant, lui arrache une partie du visage. Plus de nez, plus de lèvres, plus de peau. Hospitalisée, elle sort de sa chambre masquée. Vient alors la proposition de greffe de visage. Elle accepte et le 27 novembre 2005 au CHU d'Amiens, elle passe sur le billard. Elle y restera 15 heures durant lesquelles plusieurs dizaines de médecins, d'infirmières, de chirurgiens greffent le nouveau visage d'Isabelle Dinoir. Nez, lèvres, menton, tout a été prélevé sur une donneuse en état de mort cérébrale. Quelques semaines plus tard, première apparition publique, elle porte encore quelques cicatrices, mais son nouveau visage est bien là. Isabelle Dinoir peut boire, parler, même manger. L'opération est une réussite, reste les rejets et les lourds traitements pour les éviter, ce qui lui coûtera au final la vie. Merci pour ces explications, Simon. Dans quelques jours, les étudiants du supérieur vont eux aussi reprendre les cours. Et dans quelques jours, ils vont reprendre leur sacro-sainte festivité, guindaille, bleusaille. L'Université catholique de Louvain a étudié leur consommation d'alcool. Elle reste stable, mais certains éléments sont très interpellants. Écoutez Pierre Morage, l'auteur de cette étude. La première chose, c'est une stabilisation. On a les études 2010 et l'étude 2015, donc en 5 ans, la consommation est restée stable. Elle n'a ni augmenté ni diminué. Par contre, ce qu'on observe, c'est que le pic de consommation, le moment où les étudiants consomment le plus, s'est décalé de plus en plus tôt. Là où le pic était en bac 2, bac 3 il y a 5 ans, il est maintenant en bac 1. Et l'idée qui est derrière ça, c'est que les étudiants pratiquent pratique de plus en plus des consommations excessives avant l'entrée à l'université, en 5e, 6e secondaire, et donc le pic est atteint plus tôt, au début du cycle universitaire, avec une diminution qui est notable, mais qui persiste quand même par après. Oui. Il y a 50% des étudiants qui ont une consommation à risque. C'est impressionnant comme chiffre. Exactement. Donc, dans la population générale, c'est un questionnaire qui est passé à la population générale et où on voit que 25% de la population belge générale a une consommation qui est à risque, soit qui a déjà ou qui aura des conséquences sur la santé physique ou sur la santé psychologique. Chez les étudiants, on est à 50%. Donc, il n'y a pas plus d'étudiants qui sont dépendants à l'alcool ou alcooliques, comme on le disait antérieurement, que les adultes. Mais par contre, il y a beaucoup plus d'étudiants, 50%, qui ont des consommations à risque. Une interview signée Jean-Claude Hénuy. Caterpillar a parlé, ce sont les directeurs belges qui vont négocier la fin de l'usine Carolo. Et on se posait la question depuis plusieurs jours et les patrons américains se taisaient. La colère est montée d'un cran ce matin en commission à la Chambre fédérale. Caterpillar a refusé de venir s'expliquer. Les députés n'ont pu entendre que les syndicats. Ce matin aussi, le sort de l'usine était débattu en commission, mais au Parlement wallon cette fois. Notre priorité, c'est de sauver tout ce qui peut être. Lettre a lancé Paul Magnette. Écoutez le ministre-président wallon et Carolo. Nous reprendrons le contrôle du site. Ça, c'est une promesse formelle que nous faisons, quelle que soit la voie, par des voies d'expropriation, par des voies de négociation, mais évidemment, on reprendra. Il faut, s'il y a fermeture, qu'au lendemain même, une autre activité recommence et que la reconversion recommence. C'est extrêmement important pour la vitalité de notre tissu économique. Voilà pour Paul Magnette, mais ce matin à la Chambre, l'absence de la direction était décriée par les syndicats. Cela pose énormément de problèmes dans l'usine, notamment, c'est ce qu'il déclarait, mais le contact a été renoué. Syndicats et direction belge ont discuté cet après-midi à Nivelles. Nous y rejoignons Cédric Loriot. Cédric, la réunion est terminée, visiblement elle s'est mal passée. La réunion a duré un peu plus d'1h30 et on peut dire que cette première entrevue entre syndicats et direction depuis l'annonce de la fermeture de l'usine vendredi ne s'est pas très bien déroulée. Autour de la table, les représentants des différents syndicats, ouvriers et employés, et puis l'administrateur délégué de Caterpillar Belgium, Thierry Hansen, la directrice des ressources humaines et un directeur des opérations industrielles. Elle ne s'est pas très bien déroulée d'après les syndicats parce que la direction ne comprend pas pourquoi le travail, pourquoi la production n'a pas tout de suite repris dès lundi. Les travailleurs, c'est vrai, se sont présentés à l'usine, mais ils n'ont pas réellement travaillé, ils n'ont pas produit, et ça la direction ne le comprend pas, elle ne comprend pas pourquoi les travailleurs ne sont pas dans un état psychologique et apte à reprendre tout de suite la production. On n'a donc pas vraiment avancé aujourd'hui, on n'a pas parlé agenda non plus pour les prochaines réunions. Le fond du dossier lui sera abordé lundi prochain lors du conseil d'entreprise. Seul motif de satisfaction pour les syndicats, ils ont bien la confirmation que c'est avec cette direction Carolo, la direction locale du site de Gosselies, qu'ils négocieront dans les prochaines semaines et les prochains mois dans le cadre de la procédure Renault. Ce ne sera donc pas avec un émissaire américain, mais bien avec cette direction Carolo qu'ils connaissent bien. La confiance n'est donc pas totalement rompue, mais on peut dire que ces premières négociations ne commencent pas sous les meilleurs auspices. Merci Cédric Loriot à cette réunion à Nivelles entre direction et syndicat de Caterpillar. La justice peine à trouver des traducteurs-interprètes. À cause des conditions de travail et des tarifs appliqués. Et cet après-midi, le tribunal correctionnel de Bruxelles néerlandophone a dû reporter un dossier de traite des êtres humains. Un exemple particulièrement complexe. Un interprète aurait dû traduire les propos d'un autre interprète et pour compliquer encore un peu plus la situation, les prévenus n'étaient pas côte à côte dans la salle d'audience. Il y a donc eu un report. Et Patrick Michel, vous nous expliquez cette situation. Plusieurs prévenus en détention préventive doivent s'expliquer devant la 60e chambre correctionnelle à Bruxelles. Dans cette affaire, il y a aussi des prévenus qui comparaissent libres. 8 interprètes différents étaient convoqués car les prévenus parlent néerlandais, français, roumain, farsi et kurde. Problème, certains interprètes ne sont pas venus. Parmi les présents, José Emmanuel Dor, il est traducteur néerlandais-français. Donc on est à la recherche d'interprètes, il y a différentes langues. Et maintenant on a demandé à un interprète d'interpréter dans 2 langues différentes à la fois. Mais il y a des personnes qui sont détenues, il y a des personnes qui ne sont pas détenues. Et il y a le service de sécurité qui a dit, voilà, les détenus et les non-détenus, il faut les séparer. 45 minutes après le début de l'audience, la présidente jette le gant. L'affaire est remise au 13 septembre. Et ça, c'est tous les jours qu'on voit ça, qu'on vient ici, on libère tout un après-midi et on dit, voilà, on vous paye 34 euros. Merci d'être venu. Il y a aussi une traductrice roumaine qui quittera le palais sans avoir pu effectuer la moindre prestation. Elle recevra 10 euros, ce qui couvre à peine le coût de son parking. Tous ont un statut d'indépendant. Pour eux, sans une revalorisation de la fonction, eh bien, les traducteurs-interprètes expérimentés continueront à se tourner d'abord vers le secteur privé. Il y a eu moins de morts sur les routes belges durant les 6 premiers mois de l'année, moins 8%, et surtout moins de morts le week-end. Les statistiques n'ont jamais été aussi « bonnes » entre guillemets pour ces jours-là. Par contre, le nombre d'accidents impliquant un cycliste à Bruxelles augmente de plus de 30% et il atteint même un record. Merci Delphine pour ce journal. Dans un instant, c'est le journal des sports qui arrive. Mais avant ça, comment ça roule sur les routes? Bon, on va le savoir tout de suite. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. C'est le RTBF Mobile Info avec Pierre Collard-Bovy. Alors, à 18h08, ça coince ou pas? Ben, ça coince encore à certains endroits, notamment dans quelques tunnels de la capitale, mais c'est assez habituel. Deux accidents signalés sur le ring de Bruxelles, le premier en extérieur à hauteur de Dilbeek en direction de Mons. Attention, c'est la voie centrale qui est encombrée. Et puis le deuxième en intérieur, dans le tunnel Léonard, la bande de gauche est encombrée en direction de Waterloo. En ce qui concerne les ralentissements sur le ring de Bruxelles, eh bien, c'est tout à fait habituel, même voire un peu moins ralenti que d'habitude. Accident sur le 40 Bruxelles-Aix-la-Chapelle à hauteur de Votem, la bande droite est neutralisée, la circulation est quasi à l'arrêt en direction de l'Allemagne et la bretelle d'accès venant de Votem est également obstruée à la circulation. Ça n'arrange pas les choses du chantier de Charade puisque c'est à cet endroit-là et vous perdez toujours plus d'une heure maintenant en direction de l'Allemagne et plus 10 minutes en direction de Bruxelles. Note également dans la région liégeoise une circulation dense sur la 6 en Delon-Saint-Chenay en direction de Chenay puisque vous perdez une quinzaine deux minutes. Un accident signalé sur le 40 Gand-Bruxelles à hauteur de Mel. La bande du milieu est neutralisée. Il y a 3 km de file en direction de Bruxelles. Et quant au poste frontière vers la France, c'est sur le 17 que ça coince. Gand-Lille, il y a des files à partir de Albeck et vous perdez une bonne vingtaine de minutes. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Vivacité, le journal des sports. C'est avec Jérôme Elguerz. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Cyril. Les Diables Rouges affrontent ce soir Chypre. On va y revenir dans un instant, mais on débute avec le Standard. Le coup de balai se confirme dans le vestiaire. Après les nombreux renforts du Mercato, la direction change aussi d'entraîneur. Excité Yannick Ferreira, bienvenue à Aleksandar Jankovic, le Serbe jusqu'ici coach de Malines. Les dirigeants liégeois n'avaient plus confiance en Ferreira. Ses choix n'étaient pas compris et ses résultats insuffisants. 5 points sur 15 pour entamer la saison. Jankovic a été présenté en conférence de presse cet après-midi. Le Serbe de 44 ans lance une opération séduction vers les supporters liégeois et ne craint pas la pression. Moi, je suis quelqu'un qui est habitué à la pression parce que j'ai grandi dans un grand club qui a beaucoup de supporters aussi. Et je suis aussi particulièrement content d'avoir été choisi par le Standard qui anime à peu près la même énergie que l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc, je sais exactement comment ça marche. Il y a la pression. Bien sûr, il y a des objectifs, mais à la fin, c'est la même chose. Il faut tout donner, il faut injecter beaucoup d'énergie dans l'équipe. Au niveau de discipline dans le jeu et la rigueur, là, il n'y a pas de compromis. Nous, on doit montrer, on doit donner. Un club comme le Standard, les supporters de Standard, ils vont certainement nous donner un retour 10 fois ou même 100 fois plus fort. L'équipe doit jouer avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de générosité et beaucoup d'efforts les uns pour les autres. Et je suis sûr et certain que ce sera le message, le meilleur message qui existe pour avoir une bonne communication avec le public du Standard. Et du côté de la direction, seul le directeur sportif était présent. Olivier Renard justifie le licenciement de Yannick Ferreira. Si moi je tresse un bilan personnel au niveau du sportif, je n'ai pas forcément vu beaucoup d'évolution. Donc le niveau n'était pas élevé à notre goût au niveau de la direction. Donc on a décidé de changer, de prendre un nouvel élan. Maintenant, il ne faut absolument pas faire un procès à Yannick. Yannick a fait aussi des bonnes choses ici au Standard. Et voilà, donc moi, la page est tournée de ce côté-là. On a essayé de prendre le temps, on a essayé d'avancer sur sa candidature, Aleksandar Jankovic, pour plusieurs raisons. Je sais exactement qu'est-ce qu'il peut apporter à ce club, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est un rassembleur au niveau du vestiaire, qui est un peu, maintenant il faut bien l'avouer aussi, avec beaucoup de joueurs, donc ça va être compliqué pour lui, et il le sait, de pouvoir gérer tout ça. Mais moi je sais exactement qu'il est vraiment capable pour faire ça. Des interviews de Pierre Capard. Et pour faire le tour du dossier, l'avis d'un de nos consultants. Pour Frédéric Wassège, Aleksandar Jankovic est effectivement l'homme de la situation, mais son arrivée doit surtout permettre de réorganiser le club et de mieux répartir les rôles. On écoute son analyse. Je pense qu'il a eu à la fois les compétences, le calme, il sait où il va, il sait qui il est, il sait ce qu'il veut, et il peut viser plus haut. Alors maintenant, j'espère pour lui que le standard se fera plus haut. En tout cas, c'est à lui de faire redevenir le standard, ce qui peut être. Je pense qu'il fallait un homme de cette envergure-là. Bon, il n'a pas tellement d'expérience avec des grands clubs, mais on s'en fout, ça. Et à un moment donné, tout le monde doit bien commenter. En fait, ce qu'il faut au standard, c'est mettre des vraies hiérarchies, que ce soit au niveau sportif, comme au niveau, je veux dire, de la direction. Il est temps vraiment de mettre de l'ordre, et il est temps de donner les clés du vestiaire à cet homme, parce que pourquoi est-ce que les résultats ne suivaient pas? Et c'est aussi, on va dire, moi c'est une excuse que je trouve à Ferreira, c'est que bon, tout le monde savait que la direction n'en voulait plus, donc les joueurs, ils sentent ça, donc il n'y a personne qui se bouge vraiment. Donc il est vraiment temps qu'il y ait un vrai boss, un vrai taulier dans ce vestiaire, que ce soit l'entraîneur. Et à partir de là, je pense qu'on verra le standard. Et je pense qu'ils ont le temps d'ici la fin de cette phase régulière pour redevenir l'équipe qu'on connaissait. Et Frédéric Wassège, joint par Elise Burion. Le premier match du standard version Jankovic, ce sera dimanche soir contre Genk avec Jankovic, mais sans Alexander Scholz. Le défenseur sera bien suspendu. Et puis, dans ce dossier nouveau coach du standard, n'oublions pas le sort de Malines. Les Malinois qui sont à la recherche d'un nouvel entraîneur vu le départ de Jankovic. Le président Johan Timmermans va tranquillement se pencher sur la question. En attendant, le staff actuel prendra en charge les entraînements. Bon bah si jamais il y a Ferreira qui est dispo. L'autre info sport du jour, Jérôme, nous emmène à Chypre, où les Diables démarrent leur campagne qualificative pour la Coupe du Monde 2018. Un match à 20h45 à suivre sur tous les médias de la RTBF et donc sur Viva, avec une émission complètement foot dès 19h. À l'air de rien, les Diables sont sous pression avant ce premier match officiel de l'ère Martinez. À la photo off day de jeudi contre l'Espagne. L'équipe nationale doit en quelque sorte faire la paix avec ses supporters et retrouver du crédit, car pour certains, les Diables ne mouilleraient plus le maillot. On écoute la réponse du capitaine Eden Hazard. Mais on en avait déjà parlé après le premier match contre l'Italie à l'Euro. Voilà qu'on, en tant que joueur de l'équipe nationale, on se devait de donner le maximum sur le terrain, parce qu'il y a plein de joueurs qui rêvent d'être à notre place. Après, ce que je peux vous dire, c'est que tous les joueurs essaient de se donner à 100% sur le terrain. Voilà, je pense qu'il n'y a aucun des 23, des 25 joueurs présents dans le groupe qui se dit « Oh, j'ai pas envie d'aller en équipe nationale ». Je pense que tout le monde est content de porter ce maillot. C'est une fierté pour tout le monde. Voilà, après, c'est juste que des fois, il y a des moments où c'est un peu plus compliqué, voilà, pour des raisons ou pour d'autres. Mais en tout cas, je pense que tout le monde est content de porter ce maillot. Eden Hazard au micro de Thierry Luther. Hazard élu aujourd'hui joueur du mois d'août en Première Ligue, le championnat anglais. Toujours à propos de ces éliminatoires pour le Mondial, une histoire cocasse un peu inhabituelle au match Albanie-Macédoine. Et oui, puisque cette rencontre a débuté hier soir et s'est terminée cet après-midi. Hier, les fortes intempéries ont interrompu le match à la 77e minute de jeu. Le score était de 1-1. Impossible de reprendre plus tard. Résultat, les 13 dernières minute plus les arrêts de jeu ont été disputés en début d'après-midi et le score a même changé puisque l'Albanie a fait 2-1 et a donc remporté le match. Ce cas de figure est assez rare et exceptionnel, mais il est prévu dans le règlement de la FIFA. En bref, encore un petit nouveau dans l'équipe de Coupe Davis. Yoris Delors, 219e joueur mondial, accompagnera David Goffin, Steve Darcy et Ruben Bemelmans pour affronter le Brésil dans 10 jours. Un match de barrage du groupe mondial. Le capitaine Johan Van Erck a préféré sélectionner Yoris Delors et Ruben Bemelmans pourtant en méforme au détriment de Kiemer Kopioyans ou encore Arthur De Greef. En face, l'équipe brésilienne sera composée de Thomas Bellucci, tombeur de Goffin au jeu de Rio, à Thiago Monteiro et les spécialistes du double Marcelo Melo et Bruno Soares. Belgique-Brésil, ce sera du 16 au 18 septembre à Ostende et sur surface dure. En cyclisme, le Belge Julien Vermote est toujours leader du Tour de Grande-Bretagne après la troisième étape remportée en solitaire par Yann Stannard, l'anglais du Team Sky. Sur la Vuelta, les coureurs se sont reposés aujourd'hui avant d'attaquer les dernières étapes. Arrivé ce dimanche, Nairo Quintana est leader avec un matelas confortable, 3 minutes 37 d'avance sur Chris Froome. Merci Jérôme pour ce journal des sports. On va quitter le sport deux secondes, Jérôme. On va se replonger dans votre premier rendez-vous amoureux. Parce que tout à l'heure, on aura une spécialiste qui nous dira quelles sont les questions à poser lors d'un premier rendez-vous. Vous vous souvenez de votre premier rendez-vous, vous ? Oui. Oh, c'est un petit oui, ça. Ça s'est bien passé ou pas ? Je pense. Oula. Mais j'étais très timide, donc... Vous vous laissiez poser des questions alors ? Ou vous entamiez quand même la conversation ? Ouais, j'étais plutôt du genre à laisser faire, ouais. Ouais, et c'est quoi ? Plutôt observateur. La toute première question, ça a été quoi, vous vous souvenez ? Oh non, pas du tout, franchement non. Vous étiez amoureux, c'est pour ça ? Oh oui, au premier regard. Ah, on sent l'histoire, on sent le vieux dossier. Merci Jérôme. On parle de ça ce soir dans l'émission parce que tout à l'heure une spécialiste viendra nous dire quelles sont les questions qu'il faut absolument poser lors du premier rendez-vous. Parlez-moi de votre premier rendez-vous, comment ça s'est passé? Quelles questions vous aviez posées? Est-ce que comme Jérôme vous étiez tombé amoureux fou là juste en regardant? 3063 par SMS et sur la page Facebook 5 à 7 Vivacité RTBF, je vous attends. Vivacité, le sport en toute complicité avec l'ADEPS. De 17h à 19h sur Vivacité, 5 à 7 avec Cyril. On va voyager aussi dans quelques minutes avec la reprise de la nouvelle saison d'Exploration du Monde. Ça commence demain. Je vous en reparle dans quelques minutes. On fera un petit détour par la cuisine aussi. Tous les soirs, quand Discotaire vient nous voir, avec à chaque fois des nouveautés, des trucs quand même assez hallucinants. Restez bien là, c'est dans moins de 10 minutes. Et puis, juste après la pause, on s'intéresse au retour du Petit Journal. C'était hier soir sur Canal Plus en France, sur BTV en Belgique. Présentation par Cyril Hieldin. Et ça a été une catastrophe, en tout cas si on fait confiance aux réseaux sociaux. On revient sur cette soirée peut-être compliquée pour Cyril Hieldin juste après ça. Après le match raté contre l'Espagne ce mardi soir à Chypre, les Diables Rouges doivent vaincre pour convaincre. Dès 19h, David Oudrey, Pascal Chimé, Nordine Jbari vous donnent la parole sur cette rentrée complètement foot. Et à 20h45, vivez Chypre, Belgique, le premier match de qualification de nos Diables pour la Coupe du Monde 2018 avec Thierry Luthers et Manuel Jousse en direct de Nicosie. Peugeot Olivier. Oh yeah. Venez découvrir notre nouvelle concession Peugeot à Tubize. Peugeot Olivier vous accueille dans son vaste nouveau showroom. Chaussée de Mons 377 à Tubize, à 2 minutes du centre. Le 5 à 7 de Vivacité continue dans quelques instants. Avec Voltis, j'assure le confort et la sécurité de toute ma famille. Voltis, des conseils éclairés, des idées lumineuses. Voltis. Du jeudi 8 au dimanche 11 septembre, porte aux offertes exceptionnelles à Nivelles et Waterloo. Pour le premier anniversaire de Nivelles, Voltis frappe fort. 20% de remise sur tout. Oui, vous avez bien entendu. 20% sur tout pendant ces 4 jours à Nivelles et Waterloo. Découvrez nos promotions sur voltis.be. Voltis, c'est vous qui voyez! Proximus présente le plus impatient des réseaux. Oui, bonjour, je suis bien aux urgences? Oui, je vous écoute. Alors, j'aimerais qu'on m'emmène d'urgence dans un Proximus Center. Et j'ai vu un Huawei P9 Lite pour 9 euros. Vous êtes aux urgences ici, madame? Mais justement, c'est une urgence. Foncez dans votre Proximus Center et recevez un Huawei P9 Lite pour seulement 9 euros. Avec un abonnement Smart Plus Phone 20. Infos et conditions dans votre Proximus Center. Proximus, infiniment proche. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les comptes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vaza, ouvre-toi! Instagram, ouvre-toi! Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça! Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Pendant les BMW Innovation Deals, il y a déjà une BMW série 2 Active Tourer Edition à partir de 27 400 euros. Profitez-en jusqu'au 15 octobre. Combien demanderiez-vous pour couper votre petit orteil? Le petit orteil? Tu peux demander ce que tu veux. 60 000. Allez bon, 1 million. 2 millions alors. Devenir handicapé, ce n'est pas un choix. 80% des handicaps surviennent au cours de la vie. Cap 48. Pour que le handicap ne soit plus un handicap. Avec le soutien des Lions, Trends Tendance et l'avenir.net. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Candice nous rejoint dans un instant. Mais avant, revenons sur cette musique. Vous savez, vous connaissez cette musique, celle du Petit Journal. Ça passe sur Canal Plus en France, sur BTV en Belgique. Hier, c'était la première sans Yann Barthez. Il a quitté le groupe Canal Plus pour rejoindre TF1. C'est Cyril Hieldin qui est à la présentation. Et alors hier, ça a été la folie sur les réseaux sociaux. Au moment où il a pris l'antenne, il s'est fait, on peut le dire vulgairement, déglinguer par les messages. Il a été très proche hier de Emmanuel Macron dans sa présentation, dans les interviews qu'il menait dans cette émission. Est-ce qu'un animateur télé peut à ce point-là incarner une émission? Est-ce que finalement on pouvait remplacer Yann Barthez ou est-ce qu'il fallait changer l'émission? On va en parler avec Michel Hermans. Vous êtes politologue à l'ULG, spécialiste des médias et de la communication. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue ce soir dans le 5 à 7. Alors, départ de Yann Barthez, ça a touché les téléspectateurs. Et hier, la première, ça a été une catastrophe sur les réseaux sociaux. Il s'est fait incendier, Cyril Hieldin. On pouvait remplacer un animateur comme Yann Barthez ? C'est très difficile de remplacer quelqu'un comme Yann Barthez parce qu'il s'était vraiment fait une réputation. Tout le monde l'écoutait ou le regardait chaque soir. En tout cas, ceux qui regardaient Canal Plus ou BTV. Ça, c'est la première chose. Mais celui-ci a essayé de casser l'image de Yann Barthez en se présentant et en ne se focalisant que sur lui. Alors les réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux, c'était pas bon, c'est clair, mais il faut pas non plus nécessairement juger sur le premier coup. Mais il y a une chose plus grave, me semble-t-il, c'est la manière dont est dirigé Canal+, par M. Bolloré, qui non seulement est un ami de Nicolas Sarkozy, mais qui a déjà démoli les guignols, parce que les guignols, au moment où ça a commencé, ça ne plaisait pas aux politiques non plus, qui s'attaque maintenant à Yann Barthez parce que quelque part il déplaît aussi. Et si vous voyez certains passages, l'objectif c'était de se moquer à peu près de tous les candidats, sauf peut-être d'un point de vue marketing de Sarkozy, parce qu'on le voit systématiquement revenir en présentant sa candidature, etc., etc. Il y a ce qu'on appelle une technique des chiens de garde, comme on les appelle, les nouveaux chiens de garde, l'association entre les patrons de grands médias avec le politique. C'est évidemment assez désolant. Vous pensez qu'un patron de chaîne peut vraiment aller voir Cyril Hieldin et lui dire « il faut que tu sois pote, il faut que tu sois sympa avec Sarkozy et que les autres, tu les attaques » Tout à fait. C'est un élément tout à fait envisageable. Aujourd'hui, malheureusement, c'est de plus en plus le cas. On peut voir, par exemple, que dans le cas de TF1, lorsqu'il y a eu des problèmes avec une centrale nucléaire fabriquée par Bouygues en Finlande, eh bien, on n'a jamais parlé au journal, sur toutes les autres chaînes, on en a parlé des problèmes de cette centrale installée en Finlande, tout simplement parce qu'on n'ose pas toucher à Bouygues, qui est le patron de TF1. Et Bolloré est un des amis très proches de Nicolas Sarkozy. Donc il y a cet élément-là qui joue certainement. Maintenant, il faut dire aussi, et c'est un élément important, c'est que de plus en plus la concurrence est rude. On fait tout et n'importe quoi pour essayer d'attirer de l'audience. S'il y a une baisse de l'audience, on casse le produit parce qu'il n'y a pas que sur Canal+ que ça se passe. On est en train de changer tous les présentateurs en France. Il y a une multiplication des chaînes et Canal+ a une énorme concurrence. Et je pense que le citoyen est prêt, enfin quand je dis le citoyen, le consommateur plutôt, est prêt à entendre des choses qui sont particulièrement de plus en plus trash à la TV. Ça c'est une catastrophe, mais c'est en tout cas un constat de plus en plus fréquent aujourd'hui. Donc voilà, il est clair que c'est sa première émission, il faudra voir les autres, mais c'est vrai que c'est pas bien parti, trop centré sur lui, véritablement, comment dirais-je, à la limite, je dirais presque du vulgaire, c'est clair, il va peut-être se faire d'ailleurs taper sur les doigts, et comme Bolloré n'a pas de sentiments, il serait peut-être viré plus vite que prévu. Vous pensez que c'est une possibilité que la direction de Canal ait pensé à tout ça, c'est-à-dire on supprime pas le petit journal parce que ça va être un problème si on le fait, mais on va faire en sorte que ça s'écrase. Oui, il est possible d'ailleurs. On n'a pas finalement, à cause de pétitions diverses et variées, supprimé les guignols de l'info. Mais ils sont revenus en clair d'ailleurs, tous les jours. Et ils sont revenus en clair, mais à un moment donné, on les diffusait en crypté et on les diffusait une fois par semaine. Ce qui veut dire qu'on a essayé de diminuer l'importance, mais ça reste un mythe dans la politique française. Et le petit journal qui a dérangé beaucoup de monde à certains moments peut-être pour objectif d'être démoli pour passer à autre chose, surtout qu'on arrive à la campagne électorale et qu'il ne faut pas que le style de Yann Barthez continue à travers un autre présentateur. Donc si à la limite il a pratiquement mission avec un bon cachet de démolir l'émission, peut-être que c'est tout à fait envisageable. Enfin, ça lui a sans doute pas été présenté comme ça.

lundi, comme si de rien n'était. En effet, si les travailleurs se sont bien présentés, ils n'ont pas réellement presté. Et puis pour les amateurs, c'est une bonne nouvelle. Entre le Giant de Quick et le Whopper de Burger King, il ne faudra pas choisir. L'arrivée chez nous du géant américain ne signifie pas la mort de Quick. Les deux pourront cohabiter, a décrété le nouveau propriétaire. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Merci Franck. On vous retrouve tout à l'heure à 19h. Est-ce que vous avez un pronostic pour le match de tout à l'heure, Franck? On espère quand même une petite victoire. Hein. Ça serait bien. 0-2. 0-2. Bah, on a été tellement bon la semaine dernière qu'on peut espérer que ça. Merci Franck, à tout à l'heure. On jette un coup d'œil dans le ciel. Tout de suite, c'est la météo, Dominique. Et on ne devra pas trop non plus faire de choix dans sa garde-robe pour les jours prochains. Il faudra ressortir les vêtements d'été, tout léger, conditions estivales, soleil et chaleur, au moins pour les trois prochains jours. 23 à 27 degrés pour demain, 23 à 28 jeudi, encore 21 à 25, vendredi même samedi. Notez que la journée de samedi verra des nouveaux nuages en fin de journée seulement, mais avec risque d'averse et coup de tonnerre dans la nuit de samedi à dimanche. Mais dès dimanche après-midi, les éclaircies vont revenir et nous repartirons dans une nouvelle phase de temps sec. Ouais, merci Dominique. On part sur les routes à 18h33. C'est le RTBF Mobile Info, Pierre Collard-Bovy. Bonne ou mauvaise nouvelle sur les routes? Bah écoutez, ça coince quelques endroits, notamment dans quelques tunnels de la capitale encore. Sur le ring de Bruxelles, deux accidents signalés. Le premier en extérieur autour de Dilbeek, voie centrale encombrée en direction de Mons. Le deuxième en intérieur dans le tunnel Léonard. La bande de gauche là, est encombrée en direction de Waterloo. Sur le ring de Bruxelles, eh bien, tout est pratiquement rentré dans l'ordre. Encore quelques ralentissements, mais on les oubliera très vite. Un accident sur le 40 Bruxelles, Chapelle hauteur de Votem. La bande droite est neutralisée. La circulation est très difficile en direction de l'Allemagne. La bretelle d'accès venant de Votem est également obstruée pour la circulation. D'autant plus qu'il y a des ralentissements dus au chantier de Cherat, évidemment, sur cette même E40. Vers Bruxelles, c'est plus ou moins fluide maintenant, mais vers l'Allemagne, sans doute à cause de l'accident encore. Entre Allure et Cherat, vous perdez une quarantaine de minutes. Circulation dense également dans la même région sur l'A602 Long-Saint-Chéné en direction de Chéné. Vous êtes ralenti sur 3 à 4 km. Accident sur le 40 Gand. Bruxelles à hauteur de Mel, la bande du milieu est neutralisée. Il y a 3 km de file en direction de Bruxelles et vous perdez une bonne trentaine de minutes pour vous rendre à Bruxelles donc. Et toujours au poste frontière, eh bien, on signale des ralentissements, 20 minutes perdues sur le 17 Gand Lille, file à partir de Halbeek en direction de la France. À l'instant même, on me dit que la circulation sur la 602 Long-Saint-Chéné est tout à fait normalisée. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 5 à 7. Comme tous les soirs dans le 5 à 7, bah c'est l'heure, on met son petit tablier, on va en cuisine avec Candice Cotter. Bonsoir Candice. Bonsoir Cyril. Petit tablier, je ne sais pas. Vous parlez, quelque chose en dessous, hein. Vous parlez à la femme enceinte, le petit tablier n'est plus un petit tablier. Il faut recouvrir la surface. Vous faites du mal, la superficie. C'est pas vrai. Ça vous va bien. Coup de cœur total ce soir pour une idée géniale et toute simple qu'a eu un couple de Polonais, le rouleau de cuisine imprimé imprimable. On se dit, bah oui, mais ça, on a déjà vu. En fait, non, on n'a pas vu. Imprimé imprimable. Imprimé imprimable, je vous explique. Donc, ce sont des rouleaux à pâtisserie qui sont faits en hêtre massif. Donc, c'est un bois qu'on peut utiliser au niveau culinaire, frotté à l'huile. Et ils sont gravés au laser. Donc, en gros, jusque-là, on se dit, bah, on a déjà vu des emporte-pièces, ouais, on a déjà vu dessus, des tampons, ouais, des machins. Mais là, ils sont gravés incurvés. Donc, en gros, l'idée, c'est que vous avez différents motifs qui s'impriment dans votre pâte. Il y a de tout, hibou, fleurs, feuilles, motifs de Noël, tout ce qu'on veut. Vous faites des biscuits, vous avez une abaisse de pâte, vous roulez le rouleau par-dessus. Mais en gros, tous vos biscuits sont décorés en une fois. Ah oui. C'est pas l'emporte-pièce que vous devez mettre petit morceau c'est par ça. Petit morceau. Tout est fait en une fois. Vous passez une fois le rouleau, c'est fait. C'est un rouleau pour fainéant. C'est un rouleau pour fainéant qui s'assume. J'aime beaucoup l'idée. Vous faites une décoration de pâte à sucre, même chose. Un passage, on est bon. Vous faites une tourte fermée, style apple pie. Vous souhaitez faire une impression dans une pâte du commerce, donc on doit même pas se fatiguer. Clac, un coup de rouleau, on est bon. C'est pas la petite déco où on se faisait sur une apple pie une petite feuille à l'emporte-pièce au couteau. On faisait une petite rainure dans la feuille pour que ce soit mignonné. Non, netchi. On passe le truc, ben, c'est réglé. On a tout le truc. Vous souhaitez les utiliser aussi pour faire de l'argile, de l'artisanat, du bricolage, c'est possible aussi. Vous avez des rouleaux qui font 45 de long, donc ce sont des tout beaux gros rouleaux. Moi j'aime bien, j'aime pas les trucs de légers comme ça, j'ai envie d'avoir un truc qui en main tient bien et que ça tienne bien sur la pâte. On parle toujours du rouleau là, hein. Oui, 6 cm de diamètre, 600 grammes, une belle chose. Ah bah. Et alors ce couple a ouvert une boutique sur le fameux site Etsy, je sais pas si vous connaissez Etsy. En gros, c'est un site où tout un chacun peut proposer des produits. Alors, il faut que ce soit des produits de qualité. Hein. On n'est pas dans du brol, soyons clairs. C'est du fait main. Mais ils ont littéralement cartonné. Ils ont fait fortune, ces gens. Leur boutique s'appelle Valec Rolling Pins. Valec. Vous y trouvez des rouleaux avec plein de motifs différents. Les rouleaux, c'est 30 euros. C'est même pas excessif, vu ce que c'est. Vous pouvez également, et c'est là que ça devient super intéressant, d'autant plus, vous pouvez également leur demander une demande, vous pouvez leur demander une personnalisation complète d'un rouleau. Donc, ah ouais. En gros, un prénom, une date d'anniversaire de mariage, que sais-je, moi. Naissance. N'importe quoi, un petit prénom. C'est un garçon, je suis en plein dedans. Sur le rouleau. Et vous n'avez qu'à faire une ABS et vous avez tous vos trucs qui sont décorés en une pièce. C'est pas donné, parce que là, on double prix, c'est à 60 euros, mais ça vaut vraiment. Vous êtes le seul à l'avoir. Et on est le seul à l'avoir. Et vous pouvez tout faire. Vous avez envie d'imprimer une photo dans votre rouleau, vous pouvez le faire. Aussi. Donc en gros, vous pouvez faire des biscuits à l'effigie d'une petite fille dont c'est l'anniversaire avec son prénom et la date en dessous. Excellent. Tout ça est possible. Ah ben ça, c'est cool. C'est juste formidable. Honnêtement, c'est un tout bon produit et le truc est qualitatif à la base. Valec, V-A-L-E-K, Rolling Pins, et c'est sur Etsy. Vous trouvez ça sur Etsy, E-T-S-Y, vous tapez ça dans Google, vous allez tomber dessus sans aucun problème. Vous tapez Etsy Valec, par exemple, mais toutes les coordonnées sont également sur vivacité.be. Attention avec ce rouleau à ne pas frapper quelqu'un avec, parce qu'on saura d'office mais que c'est vous. On sait que c'est vous, alors. Ah ouais, ouais. C'est ça. C'est pas le c'est crime l'inconvénient. Parfait. C'est pas le crime parfait. Sauf si vous prenez un motif hibou, là, ça pourrait être voisin. Ça passe. Il y a moyen. Merci, Candice. On teste et puis on fait le point demain. Des rennes à Noël, c'est possible. À demain, Candice. Bonne soirée. Jusqu'à 19h. 5 à 7. Il est 18h38 et dans ce 5 à 7, je vous l'ai promis, on va voyager, on va partir. Alors, petit voyage dans l'amour dans un instant, puisque on verra quelles sont les questions qu'il faut absolument poser lors du premier rendez-vous. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des questions, des rendez-vous qui sont plus ou moins bien passés. Votre premier rendez-vous amoureux, vous me racontez ça au 3063 par SMS. Et avant de parler d'amour, on va s'intéresser à la nouvelle saison d'exploration du monde qui commence demain. Quentin Bogarde, vous êtes directeur général d'exploration du monde. Bonsoir Quentin. Bonsoir Cyril. Alors, reprise, demain, avant d'expliquer tout le programme de cette saison. Petit rappel de ce que c'est Exploration du Monde, peut-être. Alors oui, Exploration du Monde, c'est un concept bien connu qui existe depuis plus de 66 ans maintenant en Belgique. Voilà, c'est l'histoire de quelqu'un qui est allé quelque part et qui a quelque chose à en dire. Ce sont des films commentés en direct par des protagonistes qui ont réalisé ce film. C'est un moment de rencontre très important qui nous change évidemment de la consommation passive que l'on pourrait avoir d'un documentaire à la télévision ou sur Internet. On va partir où cette année ? Alors on va partir un peu partout comme toujours. Hein. On va commencer déjà, vous l'avez dit, demain avec un très beau film sur le Danube. Ça commence à Namur, 14h, 17h, 20h, comme ça je l'aurais dit. Voilà, ensuite on vous emmènera au Guatemala, le long des rives du fleuve Congo, en Italie, découvrir les peuples des mers du Sud, et on terminera en Californie. Ah bah ça c'est bien sympa, on va faire un beau petit tour avec vous cette année. Ça se passe comment ? Il faut s'inscrire ? On vient quand on veut ? On vient quand on veut, on est présent dans plus de 60 lieux culturels à travers la communauté française et à Bruxelles et au Grand-Duché de Luxembourg. C'est vraiment ouvert. N'hésitez pas. Venez. Alors cette année, il y a un projet aussi qui est mis en place en parallèle de toutes les projections qu'il va y avoir. C'est un circuit école. Oui, alors évidemment, j'entends toujours dire Exploration du Monde, je connais, j'y allais à l'école. In illo tempore. Et bien pour la deuxième année consécutive, Exploration du Monde revient dans les écoles avec un nouveau projet qui s'appelle Planète Explo. C'est un projet qui est entièrement dédié aux élèves de première et deuxième secondaire. Il a été développé avec l'aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, enseignement. C'est une animation interactive, ludique, culturelle et surtout pédagogique. Cette année, l'animation va traiter de la problématique de l'eau comme ressource durable, son accessibilité, sa disponibilité, évidemment à côté de ça, le cycle de l'eau et tous ses états physiques. Alors, si vous êtes enseignant ou si vous connaissez des enseignants, bondissez sur votre clavier, tapez planète-explo.be, venez nous voir, on a besoin d'aide pour que ce projet fonctionne. Voilà, et jusqu'à présent, les élèves sont vraiment ravis de ce qu'on leur propose. Vous avez un coup de cœur, vous avez déjà vu tous les films de cette année ou pas ? Ah, moi j'ai déjà vu tous les films de cette année, je dois avouer que j'ai deux petits coups de cœur. Le premier, c'est le film qui commence demain, et je ne fais pas de la pub pour que les gens y aillent dès demain, mais le film sur le Danube, c'est vraiment un beau film, c'est un film qui traverse quand même un fleuve, enfin qui suit le parcours d'un fleuve qui est mythique dans l'histoire de la construction européenne. C'est du patrimoine, c'est de la culture, c'est de la musique, c'est des paysages. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir ce film. Et puis il y a un deuxième film, c'est amusant, c'est un petit peu la même thématique. On va de nouveau suivre un fleuve, cette fois-ci c'est le fleuve Congo. Le film va commencer au début du mois d'octobre. On va donc suivre toutes les berges, tout ce qui se passe le long des berges du fleuve Congo. C'est la deuxième partie d'un film qui avait déjà été tourné chez nous avec Philippe Lamère et Tanguy Dumortier il y a deux saisons. Je ne sais pas si ceux qui ont été s'en souviennent, ça racontait l'histoire des parcs, des grands parcs naturels qu'il y a toujours à l'est du Congo. Ici, eh bien, on va suivre le fleuve et découvrir sa population et toutes les activités qu'il y a le long du fleuve. C'est à partir du mois d'octobre. Eh ben, merci pour toutes ces infos. Rien qu'à l'idée d'évoquer tout ça, ben, voilà, on a envie de déjà voyager, donc c'est l'occasion de le faire. Je rappelle le site internet explorationdumonde.be. Merci Quentin, très bonne soirée à vous. Merci à vous, au revoir. Il est 18h42, voyageons dans le temps avec l'histoire de Void. C'est Marc Touesca tout de suite pour Pop Story. Pop Story. Marc Touesca. Ah, le joli mois de septembre, les derniers jours de l'été, les premières feuilles mortes que l'on ramasse à la pelle et les premiers coups de blues. La mélancolie est une source quasi inépuisable d'inspiration pour nos auteurs de chansons qui se sentent particulièrement à l'aise dans cet état dépressif avancé. Pour s'en convaincre, posez donc la chanson de Beko, c'est en septembre, sur votre platine et c'est parti. Vous avez de la musique là ? C'est-à-dire que nous n'avons qu'un petit pick-up. C'est en septembre. Quand les voiliers sont dévoilés et que la plage tremble sous l'ombre d'un automne débronzé, c'est en septembre que l'on peut vivre pour de vrai. Dans Septembre Rose, une chanson au style très daté années 80, Hubert Félix Thiéfen décrit avec une jolie pointe d'humour son bonheur proche de la béatitude le jour de la naissance de son fils. C'est beau, émouvant à la fois et confirme bien que Thiéfen, le plus inoxydable des chanteurs français, n'est pas qu'un artiste enragé à la morosité contagieuse. Le 4 septembre évoque la proclamation de la Troisième République par Gambetta en 1870. Pour les Parisiens, c'est une station de métro sur la ligne 3. Pour Vanessa Paradis, le lieu d'une rencontre inattendue. Comme quoi, Vanessa, le taxi c'est bien, surtout avec Joe. Mais le métro, c'est pas mal non plus, non ? On s'est connus un matin, station 4 septembre, reconnus dès le lendemain, pour aller boire un café ensemble. Earth, Wind & Fire laissera dans la grande histoire de la pop la chanson la plus positive à propos du mois de septembre. Ne cherchez aucun sens ni message à ce texte écrit dans un état de béatitude absolue. Même si la date du 21 septembre, jour de l'automne, est évoquée, ce n'est que pour la sonorité et le groove, et ça marche. Septembre n'a pas inspiré que des chansons tristes ou nettes. La preuve, Earth, Wind & Fire cartonne en 78 avec September. Pop Story. 18h46 pour la suite du 5 à 7. Encore plein de choses à faire. On va s'intéresser à votre premier rendez-vous amoureux. C'est quoi les questions qu'il faut poser au premier rendez-vous ? On voit ça avant 19h et puis juste après, rendez-vous avec David Oudrey, Nordinj Barry, Pascal Chimet, complètement foot spécial ce soir avec l'avant-match des Diables à Chypre ce soir et puis le match en direct tout à l'heure sur Viacité, tout ça, donc ça démarre à partir de 19h, bougez pas. rentrée, on n'oublie pas de glisser un mascara dans son plumier. En ce moment chez Planète Parfum, moins 21% sur tous les mascaras. Valable aussi sur planeteparfum.com. Pour les 50 ans de Toyota en Belgique, profitez de conditions anniversaires exceptionnelles pendant tout le mois de septembre. Jusqu'à 4000 euros d'avantage sur les hybrides et des conditions irrésistibles sur le reste de la gamme. Rendez-vous aux portes ouvertes du 16 au 18 septembre chez votre concessionnaire Toyota. Plus d'infos sur toyota.be. Nos Diables Rouges entament leur nouvelle phase qualificative pour le Mondial 2018 en Russie. Chypre-Belgique, vivez le match en direct ce mardi sur la Une, Vivacité et sur rtbf.be/ovio. Carrefour, partenaire des Diables Rouges et magasin des supporters. Avec ING, soutenez les Diables Rouges comme vous voulez sur ing.be/football. Vivacité présente les Showcase Joker Plus du Beau Vélo de Ravel. Rendez-vous samedi après-midi, place Saint-Lambert à Liège pour applaudir Suarez, Alice on the Roof, accompagné par l'orchestre et les chœurs de l'Opéra Royal de Wallonie dans le cadre de l'opération Debout Citoyen. Le Showcase Joker Plus du Beau Vélo de Ravel, ce samedi 10 septembre à Liège. Un événement gratuit et accessible à tous. Joker Plus, chaque jour est un jour de chance. Suivre un cours du soir à la Netherlands Academy et pas dans une autre école de langue, qu'est-ce que cela apporte de plus ? Yann, professeur. De Nederlandse Academie. La Nederlandse Academie propose un programme 7 jours sur 7. Eén avond per week les. Une soirée par semaine en cours. De mogelijkheid om gratis onze conversatie. Ensuite, l'élève peut fréquenter gratuitement le club de conversation les autres jours de la semaine. Dat is ongezien. C'est du jamais vu. Nederlandse Academie, la porte qui ouvre les portes. Programme du soir 7 jours sur 7 sur 4 mois. Info sur nedaka.be. Conditions de lancement exceptionnelles pour les nouvelles Suzuki Baleno et Suzuki S-Cross chez Dewey Car Center. 250 euros de remise supplémentaire sur toute la gamme pendant les Attraction Days les 9, 10 et 11 septembre. Dewey Car Center à Maze et à Vilvoorde, votre concessionnaire Suzuki du nord de Bruxelles. Dewey Car Center. Vivacité présente 500 échoppes, marché aux fleurs, concours d'animaux, brocante et braderie, concert de Mister Cover. L'ambiance sera à la fête ce 13 septembre au marché annuel d'Anderlecht, place de la Vaillance et alentour. Invité exceptionnel de cette 191e édition, la Grande Roue de Paris pour découvrir Anderlecht autrement. Ce 13 septembre, c'est la fête à Anderlecht. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Juste avant les enfants de cœur, on va parler d'amour de petites secondes. C'est le site 7 sur 7 aujourd'hui qui nous parle des questions qu'il faut absolument poser lors d'un premier rendez-vous. Ça vous est peut-être déjà arrivé de vous retrouver à ce premier rendez-vous et peut-être de commettre la boulette, de faire le truc qui fait que le rendez-vous n'ira pas plus loin. Alors justement, si vous êtes concerné par un premier rendez-vous ce soir, écoutez bien ce que Marie de Dieu va vous dire, les conseillères en amour et rencontres sur amourdecoach.be. Bonsoir Marie. Bonsoir Cyril et tous les auditeurs. Merci d'être ce soir dans le 5 à 7. Alors Marie, vous allez peut-être pas sauver des coupes, mais en créer ce soir. Lors du premier rendez-vous, c'est quoi les questions qu'on doit absolument poser pour que ça se passe bien ? Alors, le but est de poser des questions sur des sujets agréables. Sur, par exemple, quels sont les loisirs, les projets de vie, les passions. Ouais. Plutôt que des questions bateau, pourquoi es-tu seul ? Comment vis-tu ton célibat ? Qu'est-ce qui s'est passé, etc. C'est pas bateau. Donc, les trucs, genre, c'est quoi tes passions ? Ah non, justement, non. Ça va permettre à l'autre de parler avec son cœur et de s'intéresser à vous. D'accord, bah donc moi j'ai déjà raté mon rendez-vous dans ce cas-là. Voilà. je note. Donc, passion, voilà, ok. Alors, on aborde quoi d'autre ? L'idée en fait c'est quoi ? C'est de faire parler la personne pour qu'elle se sente au centre de l'attention ? Bien sûr, et poser des questions ouvertes surtout, pas des questions fermées qui demandent une réponse par oui ou par non. Pas juste par exemple, ça va. Oui, voilà, aimes-tu voyager ? Il dira oui ou non, tandis que si on pose la question où comment aimes-tu voyager ? Comment aimes-tu voyager ? Il vous dira s'il aime plutôt l'aventure ou le confort d'un 5 étoiles, etc. Donc vous apprendrez plus sur la personne qui est en face de vous en posant des questions ouvertes. Donc bien, on les prépare avant ou quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que je pense à ceux qui galèrent peut-être. Justement, on avait un SMS au 3063 qui disait avant de se planter sur un rendez-vous, il faut déjà que ça arrive le rendez-vous. Ah oui, ça, évidemment, il faut provoquer le rendez-vous. Hein. Donc, on les prépare, les questions ? On vient avec sa petite feuille, sa petite fiche ? Ah, tout dépend de la personnalité de la personne. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de préparer, d'autres qui préparent un petit peu leurs questions. Ça, c'est chacun son, sa façon de faire, mais c'est bien de préparer un petit peu les questions en fonction de ce qu'on a envie d'apprendre à connaître sur l'autre. Est-ce qu'il y a des questions qui, à l'inverse, ne doivent absolument pas être posées ? Ah, ben pourquoi es-tu seule ? Pourquoi es-tu divorcée ? Ça peut peut-être être intéressant quand même de savoir, parce que imaginons que la personne a un énorme défaut qu'on ne peut pas supporter, c'est bien de le savoir tout de suite, non ? Oui, mais il vaut mieux pas commencer sur des choses douloureuses qui se sont passées dans la vie de l'autre. Ce n'est pas un bon départ. Hein. Donc, est-ce que tu es célibataire parce que tu étais chiante ? Ça, on fait pas. Ça, on pose pas comme question. Voilà, non. Je prends note, c'est important. Il vaut mieux demander que souhaites-tu partager dans ta vie de couple future. Comme ça, effectivement, on arrive peut-être sur un point commun, sur une connexion, et hop, là, c'est parti pour la vie. Oui, le but est d'apprendre à connaître l'autre et de connaître les points communs qu'on aurait et si on est compatible et si on a les mêmes attentes. Ça a l'air simple à raconter comme ça, Marie. Mais bien sûr, c'est très simple. Il ne faut pas se poser trop de questions, être naturel et ne pas avoir peur du résultat. Mais en même temps, il y en a plein qui ont du mal à le faire. C'est quoi ? C'est parce qu'on est trop stressé, généralement ? Oui, je pense qu'on se pose beaucoup trop de questions et finalement, quand on est naturel, qu'on est soi-même, on se fait confiance et le but, c'est de s'amuser sans se mettre la pression et d'apprendre à découvrir quelqu'un. On a tous des trésors à partager, donc c'est pas si compliqué que ça. Hein. Donc détendu et questions ouvertes, c'est les secrets d'un bon premier rendez-vous. Voilà, tout à fait. Eh ben, on note ça et on se rappelle pour voir si ça a marché. Merci Marie. D'accord. Bonne soirée, à Bonne bientôt. Soirée, merci beaucoup. Au revoir. Il est l'heure d'en retrouver tout de suite un nouvel épisode des Barakis. C'était ce week-end dans Les Enfants de cœur. Les Enfants de cœur. Feuilleton signé Christophe Bourdon. Les voici, James Dinos et Kevin Josiane, la maman Baraki. Dominique Watrin, Kevin Oufti, l'amant de Kevin Josiane. Cody, c'est Kevin Bryan, le fils Baraki. Aujourd'hui, face à Elliot. Attention, grand texte, Elliot, grand texte. Les Baraki sont à la chasse. Fin Dieu, où est-ce qu'elle est passée, cette sale bestiole ? Nom de Dios. Kevin Bryan, Kevin Oufti, j'envoie une aide devant moi. Quoi, cela dans un coin, on arrive. Excusez-moi, mais vous devez parler moins fort. Eh hey, oh, tu vois pas qu'on est occupé, gros. Ouais, on joue au Pokémon Go. Non, mais j'entends bien, mais le problème, c'est que vous êtes dans une bibliothèque. Maman, c'est quoi tous les trucs sur les murs? C'est des livres, Kevin Bryan. Ne touche pas, c'est dangereux pour le cerveau. Attention. Regardez, c'est Pikachu, je vais l'attraper. Madame, ne foncez pas dans les livres. Madame. Quelques heures plus tard. Allô, ma chérie. Non, je suis chez moi, là. Je suis en train de prendre un bain. Bah, j'ai été viré de mon boulot. Bah, à cause d'une bande d'abrutis qui chassait le Pokémon. Quel crétin, je te jure. Eh, hey, oh, crétin toi-même, hein. Ah, mais ça va pas, non ! Qu'est-ce que vous faites dans ma salle de bain ? Bouge pas ! Il y a un Pokémon qui rôde dans le coin. Ouais, on en a déjà attrapé un dans ton frigo. Et on en a profité pour manger à bout. Ouais, le Pokémon, c'était Picassiette. Hé, regardez, il y en a un là sur la cuvette des WC. Ouais, je le reconnais, c'est Picassiette. Sortez de ma salle de bain ! Hé, il y en a un autre dans la baignoire. Oui, je le reconnais, c'est Picacloclo. Pour l'attraper, il faut lui lancer un sèche-cheveux. Je m'en occupe. Quoi ? Mais non ! Non ! Ah merde, je crois qu'on a fait une connerie. Ah ouais, je sais, on l'a pas attrapé, il s'est échappé. C'est pas grave, Pika-Clo-Clo, ça s'en va et ça revient. Quelques heures plus tard. Oui, ma chérie. Oui, je suis à l'hôpital. Je vais pas dire à cause de cette bande d'abrutis qui chasse le Pokémon. Je te jure, c'est vraiment des imbéciles. Et oh, imbécile toi-même. Mais qu'est-ce que vous faites dans ma chambre ? Chut, il y a un Pokémon qui est caché ici. Ouais, il s'appelle Pikamagi de Bloc. C'est un Pokémon gros. C'est le plus méchant de tous. Il veut foutre au boulot tous les Pokémon malades. Et Pikamagi est là, sur son lit. Super. Allez, à trois, on saute tous dessus. Un, deux, encore un. Mais non ! Non ! Et trois ! Tu dis super, on l'a attrapé. Enfin, tu dis, elle prend de la place dans le téléphone, hein. Quelques jours plus tard. Mes bien chers frères, prions. Prions en mémoire de notre ami Elliot. enlevé trop tôt à l'affection des siens. Je vous demanderai d'observer un moment de silence et de recueillement. Hé, hey, regardez! Il y a un Pokémon! Là, il est en train de sautiller! Ouais, je le reconnais! C'est Pika Brochette! Venez, on va l'attraper! Excusez-moi, pourquoi vous vous approchez du cercueil en rampant? Non, monsieur, on ne saute pas sur le cercueil! On ne saute pas sur le cercueil! On ne... Eh bien, en tout cas, je n'ai jamais vu des gens aussi bas. Mais ça, c'est normal, hein? On est bas, on est rats, on est qui? Les Barakis! Retour des enfants de cœur demain soir dans le 5 à 7. Bravo à Dominique Danvin qui repart avec ses entrées ce soir pour la distillerie de Biercé à Thuin. Elle va passer un bon moment entre amis ou en famille là-bas. Et puis dans un instant, il y a du foot qui arrive. Soirée spéciale. David Oudrey, bonsoir. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Avec Nordin Jbari, notre consultant. Pascal Chimé, spécial Diable Rouge, Chypre-Belgique. Ça commence vraiment maintenant. Hein. Belgique-Espagne, ok, bon, d'accord, on n'était pas contents. J'espère qu'on sera meilleur. Ben, je l'espère bien. Et puis l'actu standard aussi. On va vous parler de Yannick Ferreira, exit. Et puis l'arrivée d'Alexander Jankovic du côté de Sclessin. Et bien à tout de suite David avec toute l'équipe juste après le journal de 19h. Excellente soirée sur Vivacité. Le garage Le Sage de Watermal Boisfort est heureux de vous annoncer l'arrivée de la nouvelle Baleno, la citadine de chez Suzuki qui vous fera voir du pays grâce à son nouveau moteur turbo de 1000 cm3. La nouvelle Baleno à découvrir au garage Le Sage lors des journées portes ouvertes le week-end des 9, 10 et 11 septembre. Garage Suzuki Le Sage, chaussée de la Hulpe 225 à Watermal Boisfort. Alors, vous avez déjà fait une bonne prise ? Moi, oui. Une assurance auto qui me coûte moitié moins cher. Et oui, j'ai pris l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Direct. Et en plus, j'ai directement reçu 3000 km gratuits. Direct. Direct. Ne payez que les kilomètres que vous parcourez réellement avec l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Et recevez maintenant en plus 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. Une place près d'un mur, attention à ma voiture, check à gauche, check à droite, ferme la porte et puis s'en va. Avec les caméras 360 degrés, se garer est un jeu d'enfant. Profitez de nos Techno Deals du 8 au 17 septembre. Il y a déjà un Nissan Qashqai à partir de 19 990 euros. Nissan. Innovation that excites. Offre soumise à condition. Bienvenue dans ce cours de langue porcine pour les fermiers. D'après une étude, il apparaît que les éleveurs ne comprennent pas le langage des porcelets. C'est pourquoi nous leur apprenons aujourd'hui trois expressions. La première veut dire « je me sens bien ». La suivante veut dire « j'adore ». Et enfin, la plus difficile veut dire « arrêtez de me castrer, c'est insupportable ». Ah mais, je pensais que ça voulait dire « ça j'adouille, moi ». Aidez-nous à faire interdire légalement la douloureuse castration des porcelets. Rejoignez-nous sur Gaïa.be. Dis papa, c'est quoi un transfert de compétences ? Oula, c'est comme au foot. Tu vois les transferts de joueurs, eh bien imagine qu'un joueur s'appelle justement compétences. Et paf, on le transfère. C'est le transfert de compétences. Elle est bien celle-là, je l'ai notée. Comprendre l'actu, c'est plus simple avec le JDE. Le seul journal d'actualité pour les 9-13 ans. Avec version numérique offerte. Conditions spéciales sur le JDE.be. Cruel, bonsoir. Pour ce journal en football, le coup d'envoi ce soir de la campagne pour le Mondial 2018 en Russie. La Belgique se déplace à Chypre. Des Diables qui doivent une revanche à leurs supporters après le non-match face à l'Espagne jeudi dernier. Le coup d'envoi